Parlons sexe. Parlons sexe. C'est fou le sexe. Ah. Bienvenue à C'est fou le sexe en ce 20 février, déjà 20 février 2018. Comment ça va, Pierre? Ça va bien, ça va bien. Hey, 20 février, sais-tu qu'on avance de plus en plus dans un mois, ça va être le printemps officiellement. Et regarde dehors, il pleut, ça oui, dégèle, ça, comme ça... une odeur de déglaçage qui se passe, l'odeur du gazon va arriver bientôt. Et ça des va crottes sentir... de chien qui dégèlent. Effectivement. Oui, effectivement, ça dégèle les crottes de chien. Non, mais c'est vrai, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est, mais c'est comment bon, ça va? Comment ça va? Je peux pas dire que ça va bien parce que là, ça va, oui, mais la semaine passée, ça allait pas bien parce que j'ai su par le net, par Facebook, qu'il y avait une ancienne étudiante qui est décédée. Jevinka Lemieux-Bellé, qui, je ne sais pas de quelle façon qu'elle est bon décédée, elle avait 26 ans. Et c'est une femme qui était comme moi en fauteuil roulant, puis quand je l'avais dans mes cours, elle m'appelait « Hey, Monsieur Pierre! » Monsieur Pierre, Monsieur Pierre, ça, je me souviens tout le temps de sa voix. Puis elle me dit « Coudonc, Monsieur Soucy, moi, je vous ai connu, vous étiez sur deux jambes, je vous ai connu ensuite avec une canne, puis là, je vois fauteuil roulant, qu'est-ce qui se passe? » Là, j'ai dit « Regarde, là, je veux dire... » plaque, ça va pas bien, tout ça. Puis au moment où j'ai fini ma petite histoire, je vois Loulin, il dit, puis toi, on se reçoit en fauteuil roulant, puis là, on était en pleine classe, puis des gens sont venus nous interrompre, puis j'ai pas le temps de savoir qu'est-ce qui faisait qu'elle était en fauteuil roulant. Fait qu'à un moment donné, on a pu le temps de se reparler, puis quand j'ai su qu'elle était décédée la semaine passée, en tout cas, Jevinka, là, ça m'a fait de quoi? Bon, 26 ans... c'est jeune. Fait que, en tout cas, tous les membres de sa famille, à ses amis qui l'ont connu, ben courage, elle est maintenant au paradis. Fait que, en autant qu'elle veille sur nous. C'est touchant ce que tu parles ce matin, Pierre. Ah oui, parce que, ben, écoute, quand j'ai eu la nouvelle, j'ai été assommé. J'ai pensé à elle en me couchant la nuit. En me réveillant, j'ai pensé à elle. Ça m'a comme obsédé, ce décès-là, cette fille-là. Une femme, elle dégageait beaucoup. Puis quand j'étais allé sur son site Facebook, sa page n'a pas été fermée à l'époque, mais je ne sais pas si elle l'est encore. Elle l'est maintenant, mais j'ai vu tous les commentaires de désolation, la place, le vide qu'elle a laissé. Puis moi, c'était toujours son sourire. C'était toujours « Hey, Monsieur Pierre! » Tu te réveilles. T'es endormi, tu te réveillais. Mais on n'a jamais eu le temps de jaser, de prendre notre café. Je me disais, hey, qu'est-ce qui se passe, Jevinka, avec toi? OK, je t'ai parlé de mon histoire, puis toi, comment ça va? Puis jamais. Ça m'a fait de quoi, ça? En tout cas, oui, ça me touche. Ça me touche. Puis c'est bizarre comment c'est la vie. Hein? Ouais. Hein? Vraiment. C'est à ce moment-là qu'on se rappelle que la vie est relativement courte et très, très fragile. Fragile, surtout fragile, puis elle tient souvent un fil. Hein? Mm-hmm. Une niaiserie arrive, puis pouf, t'es plus là, puis tu sors dehors, ça va bien, tu tombes sur la tête, ben, parce que c'est glacé, puis paf, c'est une commotion, puis t'es faite. Fait que, tu sais, toutes sortes d'histoires difficiles comme ça, bon, ça nous ramène quand même à la finitude, hein? OK, on va arrêter de parler de ça, parce que là, bon... Ben oui, mais... Non, mais c'est parce que je tenais à dire cet événement-là qui m'avait comme bouleversé. Puis, ouais, c'est ça. Fait que donc, c'est ça. Et toi, la belle Pascale, je suis content d'être avec Pascale, puis là, elle va dire dans cette tête-là, je ne veux pas qu'il me dise ça. J'ai eu, moi, quand même, des gens qui m'ont dit qu'elle était un bon prof, et je suis content de passer. De dire sur la scène publique. Là, je ne la regarde pas, Pascale, parce que j'ai peur de ses yeux qui me garochent des poignards. Non, non. Mais Pascale, je suis content de toi, j'ai eu des bons commentaires, des gens qui t'aiment, des gens qui trouvent que tu es solide, tu es bonne, puis bon, tu es émotive, tu es vraiment le wow! Tu sais, je suis content que. Je suis fier, puis on a pris un café à ta santé. Ah, bien, merci. Au lieu d'un scotch, Ouais, un clamatomate. Mais non, mais c'est cool. Hein. Oui, mais oui, je suis émotif. Je suis émotif. Peut-être juste pour contextualiser, je donne le cours à l'université au département de psychologie, sexualité au 21e siècle. Oui. Donc voilà, fait que c'est ma première expérience à l'UQTR comme chargée de cours. J'aime beaucoup mes étudiants, j'espère que c'est ça, ça va dans les deux sens. Oh, oui, oui, je t'en donne une prof comme quoi ils t'aiment beaucoup, là. Fait que c'est le fun, ça va bien. J'ai une montée lyrique, là, je suis émotive. Oui, hein, mon Dieu, on va arrêter de broyer quand même. Est-ce qu'ils sont au courant que tu fais de la radio? Je sais pas. Je sais pas si je l'ai sûrement. Peut-être j'en ai déjà glissé un mot, mais comme des fois, il y a des absences, ils sont sûrement pas tous au courant. Mais pour vrai, je suis pas certaine. Mais ils sont au courant, je fais de la clinique. Ouais. J'ai mon bureau à Trois-Rivières comme sexologue psychothérapeute. Parce qu'on analyse des cas, entre autres. Puis je m'inspire un peu de ma pratique, même si on garde toujours la confidentialité. Mm-hmm. Mais ouais, c'est une bonne question. Je sais pas. Il y a un cours que tu pourrais donner, puis je suis sûr que tu serais la bonne. Sexe 1005, c'est les difficultés sexuelles et relationnelles. Ça, tu serais la bonne à donner ce cours-là. Puis encore là, je pourrais te passer. Mais oh boy, hein, c'est quelque chose. Ouais, c'est on va regarder. Ouais, dans un milieu syndiqué avec ouais, des oui, dans, c'est donc, ça qui se passe. Hein? Ne donne pas le cours qu'il veut. Non. Mais, OK, oui. C'est cool. Oui, ben, oui, c'est cool. C'est cool. Puis toi, Anthony? Je me demandais si j'allais avoir la place à parler un matin. Ben oui, vas-y. tu es un homme très occupé, impliqué. Oui. Occupé, oui, effectivement. Okay. Impliqué, oui, aussi. Mm-hmm. Je pense que la sexologie, en général, mérite qu'on s'y implique et qu'on s'y... On la vit aussi. Hein? Qu'on s'y dévoue. En fait, oui, pour la vie aussi. Oui, il faut la vie. On faut vit la le vie. Sexe, oui. Mm-hmm. Ben, oui, entre autres, c'est sûr que la sexualité fait partie de la vie, inévitablement, que de façon consciente ou non. Mm-hmm. Donc, je ne suis pas exclu de tout processus, mm-hmm. bien entendu. Biologique mais, et psychologique. Biologique, évidemment. Psychologique et tout le tralala. Mm-hmm. Oui. Et si c'est ma passion, uniquement juste pour le côté coïtal de la chose, mais c'est vraiment un ensemble de facteurs. Ah oui? Oui, c'est toutes ces dimensions. Parce que tu sais que nécessairement, quand on parle de sexualité, on met beaucoup l'accent sur sexualité à deux, mais on sait très bien qu'on est bisexuel aussi avec soi-même. Oui, notamment. Sexualité, oui. On parle de masturbation ici. Mais c'est ça. J'ose pas dire le mot, maître Pascal. Bon. Mais moi, je parle au-delà de la masturbation. Oui. Toutes les pensées, tout ce qui est réflexes sociaux aussi, tout ce qui est relations avec les autres, ce sont des positions qui vont être sexuées souvent. Mm-hmm. Et on doit combattre un paquet de stéréotypes, de préjugés sociaux. Et ça, la sexologie fait vraiment partie de... est au cœur de nos vies, est au cœur de nos pensées, est au cœur de tout. Ça va au-delà de l'acte sexuel, qui est la masturbation ou le coït, ou peu importe la pratique sexuelle. Ouais. Mais il y a une sexologue qui a développé les dimensions de la sexualité. Là. En tout cas, on retrouve ça des fois dans ses articles. Elle s'appelle Denise Badeau. Puis, ah oui, Denise, sexualité, elle a donné le premier cours de sexualité vieillissement à l'UQAM. Fait que les dimensions de la sexualité qu'elle a développées, il y a toute la dimension cognitive, fait effectivement, toute la portion des connaissances, fait que la connaissance de son corps, comment il fonctionne, de notre potentiel sexuel, des ressources qui existent, l'information. Oui. Il y a le volet éthique et légal, fait que tout ce qui concerne le consentement, l'esprit critique, notre responsabilité. Il y a la dimension affective. Oui. Psychologique, socio-culturel, moral, spirituel, biologique. Ouais. Donc, c'est ça, la sexualité, des fois, on oublie que c'est pas juste le côté génital ou relations sexuelles, c'est beaucoup plus large. Là. Ça touche l'estime de soi, l'affirmation, l'amitié, l'amour, etc. Il y a les valeurs. Mm-hmm. C'est ce qui rend la sexologie et ou la sexualité en général aussi belle et aussi riche. Effectivement. Ça touche l'ensemble de la population mondiale. Mm-hmm. Il n'y a pas personne qui n'est pas touché d'une façon quelconque par la sexualité. Mais non, c'est ça. On est un être sexué. Exactement. On est un être humain. À la naissance, on a une sexualité, puis on meurt aussi avec... étant un être sexué avec une sexualité. Exactement. Avec des deuils qui sont très, très relatifs à ça aussi. Au cours de la vie. Au cours de la vie, des victoires et ainsi de suite. On peut vivent une panoplie d'émotions rattachées à la sexualité et de profondes détresses aussi. Parce que souvent, des fois, la sexualité, on dirait qu'on l'attribue plus par rapport aux étapes du développement à l'adolescence. Mm-hmm. Fait que là, on va beaucoup parler de la contraception, des ITSS, de la première fois, la première relation sexuelle. Mais c'est ça, on oublie que... Juste un petit détail banal, là. À la naissance, le parent va avoir une attitude différente s'il y a un petit garçon ou une petite fille. Absolument. Juste ça, à partir de là, tu sais, c'est une preuve que la sexualité nous suit de la naissance puis ouais, jusqu'à la mort. Puis là, il ne faut pas oublier non plus que notre naissance est due à un acte sexuel, fait que tout ce qui concerne la reproduction exactement. Aussi. Exactement. Ah, donc, ben aujourd'hui... Ah, ça part du ventre de notre mère. Oui, mais c'est bizarre que tu ne vas pas idolâtrer la Sainte Vierge, toi. Non. Hein? Okay. Non, mais aujourd'hui, justement, ça va être un peu le thème de l'émission, c'est-à-dire la sexologie, la sexualité en général, sous tous ces aspects, la faire découvrir aux gens, parce que ça va au-delà de nos émissions, ça va au-delà de tous les sujets. Et je pense que c'est une science qui mérite d'être découverte et qui mérite d'être propagée. C'est un peu, ça a été le cœur de ma mission des deux, trois dernières années, du moins de mon parcours. Un apôtre du sexe que tu es, c'est ça? Pas un apôtre du sexe, mais un apôtre de la sexologie, certainement. C'est pas pareil. C'est vraiment non, c'est pas pareil. Tu peux être agent et être oui, point, effectivement. Effectivement. Mais il faut dire que le mot sexologie est apparu dans la langue française des années 1749-50. Mm-hmm. Suite après le rapport Kinsey, hein, faut pas oublier. Ça, un rapport Kinsey 48 et 53, qui a quand même donné le ton par rapport à cette dimension quand même nouvelle, que personne n'avait comme prévu. Puis, justement, je parle de Kinsey là, dans la chronique que je vais faire, mais c'est quand même un bonhomme. Écoute, là, nous autres, on était à l'époque avec la famille Plouffe, hein, puis Un homme et son péché de Séraphin. Des Québécois, on parle de la personne. On va situer le rapport très, très judéo-chrétien. C'est dans les années 50, là. Oui, fin 40, début 50. Et il est arrivé aussi avec une période où c'était comme tabou. On pensait que, bon, la femme n'avait pas de fantaisie sexuelle, qu'elle n'avait pas d'activité sexuelle masturbatoire telle qu'elle, que l'homosexualité chez les femmes, on parle tout le temps des femmes, là, était comme dû peut-être à un manque de rapport sexuel avec le conjoint. Et je me dis, mon Dieu, on était-tu loin de ça? T'sais, on était, c'était pas de bon sens que les gens pensaient ça, t'sais. Quand on n'a pas de connaissance puis qu'on vit dans l'ignorance, souvent naît les tabous et naît aussi en même temps les stéréotypes. Hein? Je veux dire, on essaie de se fabriquer une certaine idéologie ou compréhension d'un phénomène comme la sexualité qui font que, bon, si ça ne marche pas, c'est à cause de ça. Et tant pis pour ceux et celles qui ne vivent pas. Bon, et c'est là que puis je m'aperçois que dans certaines populations, les groupes, peu importe, les gens, quand ils parlent tout croche de la sexualité, des fois, ils ne savent pas que, quand ils n'ont pas de connaissances, ils vont chercher quand même des choses, des informations tout croche qui sont biaisées en tant que telles par rapport au genre, par rapport au phénomène sexuel. C'est épouvantable comment que les gens peuvent vivre des distorsions face à ça. Mm. Puis, tu sais, je rajouterais quelque chose juste pour faire du pouce, tu vas peut-être en parler tantôt, là, mais Alfred Kinsey, ce sexologue-là qui a été très populaire dans les années 50 parce qu'il a publié son rapport sous forme de livre, qui était comme la sexualité chez les hommes, la sexualité chez les femmes, il a fait deux recherches. Une des choses, un apport en fait là, vraiment important qu'il a amené au niveau de la sexologie, c'est qu'il a développé l'échelle de Kinsey. Des fois, les gens ne savent pas trop c'est quoi, mais l'échelle de Kinsey, c'est un peu un score en fait, comme sur une échelle de, ça va de exclusivement hétérosexuel à exclusivement homosexuel. Fait que, à travers cette échelle-là, c'est de 0 à 6, c'est ça? Oui. Fait que dans cette échelle-là, on retrouve des gens... Là, je vais dire que c'est de façon subjective qu'ils vont se décrire comme exclusivement hétérosexuels. Ensuite, c'est bien, je suis. Ensuite, quand on tombe à l'étape. Plus qu'on descend, plus qu'on descend. Après ça, je suis hétérosexuel, mais avec. Par exemple, j'ai vécu une expérience homosexuelle. Oui. Ensuite, je suis hétérosexuel occasionnellement, je suis homosexuel. Ensuite, je suis bisexuel sans préférence. C'est ça. Bon, etc. Jusqu'à exclusivement homosexuel. Puis, ce que ça veut dire, c'est que. On peut pas mettre les gens dans des cases gays ou hétéros. Tu sais, il y a souvent... On peut... Comme on voit de plus en plus dans tout ce qui est... en fait, dans l'ensemble des, même des pathologies. C'est une palette, hein, la sexualité. C'est une palette de couleurs. Mm-hmm. Une palette de couleurs, en fin de compte. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent, ben moi, si j'ai des fantasmes homosexuels, mais que dans la vie, je suis attirée par des, mettons, le sexe opposé, donc je suis hétéro dans la vie, mais dans mes fantasmes, j'ai des fantasmes gays, est-ce que ça veut dire que je suis gay? Mm-hmm. Souvent, les gens se posent cette question-là, puis la réponse est non. T'sais, subjectivement, toi, dans la vie, t'es attiré par des... pas juste subjectivement, mais objectivement, dans la vie, t'es attiré physiquement ou sur le plan plutôt des sentiments amoureux vers une personne sexe opposé. Donc, toi, à l'intérieur de toi, là, tu te sens comment? Tu te définis comme hétérosexuel? OK. Mais tu sais, t'as le droit d'avoir des fantasmes gays ou même, à la limite, d'avoir une expérience homosexuelle. Mais c'est un peu ce que Kingsley apporte, c'est ça, c'est que tu peux avoir des fantasmes, tu peux avoir occasionnellement des expériences homosexuelles, mais tu n'es pas avec une étiquette de gay à cause de ça, c'est un peu ça. On parle des hétéros, mais est-ce que chez les gays, c'est la même chose? Admettons une personne qui soit lesbienne ou gay, est-ce que ceux-ci, même s'ils vivent une vie riche dans leur sexualité, peuvent-tu avoir des fantasmes avec, avec le sexe opposé? Moi, j'ai jamais entendu ça, moi, par rapport à ça. Moi, je te le demande parce que, bon, on entend plus parler des hétéros. Moi, avec Clépeau, quand j'étais en sexo-analyse, on disait plus, puis je ne veux pas te fragiliser, inquiète-toi pas. On avait appris ça parce qu'on travaillait beaucoup avec le fantasme. Et Claude disait, quand que quelqu'un se dit hétérosexuel, puis il y a des fantasmes homosexuels, cette personne-là, même si elle ne passe pas à l'acte, cette personne-là a plus de codification à l'homosexualité qu'à l'hétérosexualité. OK? Ce qui veut dire qu'elle pourrait plus passer. Quand la codification, c'est. Il y a comme. Les frontières sont comme. Sont pas tellement, là, scindées, tracées, tu sais. Comme le gars dans l'échelle Kinsey qui cotait plus 6, qui disait extrêmement hétérosexuel, qui a des fantasmes hétérosexuels, bon, là, c'est sûr que lui, il penserait pas à des fantasmes de type homosexuel, tu sais. Mais Claude est arrivé avec ça, puis à un moment donné, on se disait, avec non. Homosexualité, hétérosexuel, c'est comme le chef de Kinsey, à un moment donné, c'est... Oui, des gars, moi je le sais, j'en ai vu là, dans ma pratique, mais même dans mes amis, des gars qui se disaient hétérosexuels, puis à un moment donné, pouf, quelques années plus tard, oups, il vivait avec... le gars vivait avec un autre homme, puis il était plus avec sa femme, puis puis qu'est-ce qui s'est passé? Bien, j'ai découvert que j'étais... Bon, OK. Mais ça, je me dis, tabarouette, qu'est-ce qu'il y avait? Tu sais, c'est toute une signification quand même spéciale de la sexualité, parce que des fois, c'est pas dans une case que tu mets les gens. Oui, bien, en fait, c'est, ou ça, des c'est relatif à l'humain tout court. Oui, il avait fait une... Claude, c'était un gars brillant qui avait aussi fait l'homogénéralité, l'hétérogénéralité. Un homme, admettons, de type féminin, hétérosexuel, qui était avec une femme, hétérosexuel de type très masculine. Mais tu sais, quand on parle de fantasmes, puis d'expliquer pourquoi, par exemple, moi, je suis hétéro, mais j'ai des fantasmes homosexuels, je veux dire, il y a plein d'explications scientifiques là, par rapport à ça, où je veux dire, il y a plusieurs courants qui m'ont expliqué les choses de manière différente. C'est-à-dire, si je me situe dans une approche psychodynamique, je vais l'expliquer d'une façon. Si je me situe dans une approche plus cognitivo-comportementale, je vais l'expliquer d'une autre. Tu sais, ça reste que le fantasme aussi, il y a quelque chose de l'ordre de l'inconscient. Puis tu sais, d'une personne à l'autre, ça va être vraiment différent. Puis souvent, les gens se demandent, ben moi, si j'ai ce fantasme-là homosexuel, est-ce que je dois nécessairement le vivre? Ouais. Puis tu sais, l'actualiser. Puis tu sais, puis des fois, ça peut être des fantasmes pas juste de gays, mais tu sais, il y en a qui sont, ben moi, j'ai des fantasmes plus de soumission, des fantasmes de ci, de ça. Mais ça veut, je veux dire, une fille qui rêverait de se faire prendre, puis elle dit, tu sais, à la limite, un peu une agression, tu sais, consentant dans le sens que c'est un fantasme, donc tu peux l'arrêter quand tu veux, là, ce scénario-là dans ta tête. Puis tu as le contrôle aussi de ce scénario-là, vu que c'est un fantasme. Fait que c'est tout à fait différent de dire, ben parce que tu as ce fantasme-là de soumission que tu veux l'actualiser dans ta vie, tu sais, c'est pas vrai. Là, c'est pas du merment. Mais on pourrait avoir une émission sur les fantasmes. Ça pourrait être très, très, très intéressant. Regarder, justement, explorer c'est quoi les fantasmes, c'est quoi leur nature, c'est quoi leur rôle par rapport au désir sexuel, l'excitation. On pourrait revenir là-dessus. On va revenir là-dessus. Puis il arrive aussi des situations où quand les gens tentent d'actualiser le fantasme, c'est comme si ça venait le tuer un peu. Effectivement, parce qu'il y a des fantasmes qui doivent, ben pas qu'ils doivent, mais tu sais, pour rester excitant, doivent rester un fantasme. Quelqu'un a dit une chose, il dit quand tu actualises ton fantasme, c'est comme quand tu vas dans un club, puis à un moment donné, il arrive que c'est le fun, tu sais, tu arrives dans un milieu où ce que tu vois pas trop les décors, la lumière, ses sons, puis à un moment donné, oups, à 3 heures du matin, tu regardes le décor, puis tu te dis, ah, oh, mon Dieu, c'est là, tu sais, c'est ça. Mm-hmm. Puis c'est comme un fantasme, en fin de compte. Tu sais, quand tu l'actualises, il y a tout l'aspect émotif, l'aspect fantasmatique qui part, parce qu'il dit, ah, ouais. Oh, c'est comme ça. Ah, oh, regarde-nous ça, j'ai pas. Ah, oh, ouais, je pensais pas ça de même. Mm-hmm. Tu sais, il y avait un gars, à un moment donné, qui m'avait dit, moi, je vais tout le temps baiser bon, avec deux femmes, puis ça allait être le fun de baiser avec deux femmes, je vois ça dans un film. En fin de compte, il y a l'expérience avec deux lesbiennes. Puis, puis pauvre gars, ça va le mettre de côté, tu sais. Puis, il n'a pas pu quand même réaliser ça. Il dit, oh, non, c'est pas comme dans des films, hein. Fait que c'est vrai que ça peut avoir un côté assez. Et d'un autre côté, il y en a qui vont réaliser leur fantasme, ils vont avoir de très belles expériences. Exact. Donc, c'est très, très relatif. C'est pas. C'est très relatif. Il y a des fantasmes. Selon le fantasme, je veux dire, les fantasmes peuvent avoir différentes fonctions. Mm-hmm. Fait qu'il y a peut-être des fantasmes que tu souhaiterais pas actualiser parce que ça va comme t'éteindre ou éteindre le fantasme. Mais il y en a d'autres que peut-être que oui, tu sais, ça va te pousser à actualiser autre chose ou à faire des expériences. BDSM. Peu importe. Peu importe quoi. Ou des fois, c'est juste... moi puis mon chum, on fait toujours l'amour de la même façon, mais dans mon fantasme, j'aimerais ça qu'il me prenne de telle façon, j'aimerais ça qu'on l'essaie. Ça peut être aussi banal que ça. Là. Donc, il faut peut-être faire la distinction entre fantasme et désir. Ben, effectivement, il y en a... un désir d'accomplir un certain acte et le fantasme, bien que le désir prenne sa source dans le fantasme. Ben en fait, mon Dieu, tu viens de me mélanger. Oui, c'est ça. Juste pour dire que moi, mon fantasme, il n'a jamais se réalisé. Moi, je suis toujours rêvé qu'une femme me donne, tu sais, des Doc Martin, là, tu sais, des bottes Doc Martin, qu'elle me donne un coup de pied en face avec des Doc Martin, puis qu'elle me fait le temps d'être. Jamais ça va arriver, ça, tu sais. Mais, c'est intéressant. Mais, si on dit spécifique avec le Doc Martin. Non, mais c'est parce que c'est des grosses bottes avec des. Tu sais, je veux dire, quand même, là. Un cap d'acier, là. Oui, avec un cap d'acier, puis des femmes qui portent ça, Christy, c'est des femmes qui sont tough, là, tu sais, puis ah ouais, passe par là. J'étais pas sûr que je voulais que tu m'en parles, là, maintenant. Et avec un swipe-on, bon, c'est correct. OK, j'arrête, parce que je suis plus capable. Là, regarde, tu me rends dans le fantasme du Doc Martin, Carl. Ben oui, Pascal. T'embrasses tes feuilles, t'en frottes ton micro, bâtard. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que le fantasme est entre autres issu de l'inconscient, est très involontaire et très spontané. Et le désir d'aller plus loin va souvent être issu de ce fantasme-là ou de cet inconscient-là qui pulsionnel, qui vient nous donner les éléments à ce qu'il y ait est-ce qu'il y a eu un réel désir de passer à autre chose? Quand tu penses, je peux très bien fantasmer sur ma conjointe ou mon conjoint. Mm-hmm. Ou pas. Ou sur plein d'autres femmes. Ou sur plein d'autres femmes, ou sur Pierre. Non. Mais l'affaire, tu dis une chose, je rajoute, moi, c'est que dans le fantasme, c'est toi qui mènes l'action. Et il n'y a pas d'entrave, ce qui veut dire qu'il y a comme... t'es comme un peu comme derrière la caméra. Mm-hmm. Et c'est toi qui vas donner comme le goût à l'autre de dire fais non ça. Et en même temps, tu peux être derrière la caméra et aussi devant la caméra. Et, dans le sens et que, dedans la caméra. Tu peux être la caméra. Oui, mais c'est que c'est toi qui gères ça. T'sais. En fait, il y a certains types de personnes qui vont dire la liberté n'existe pas, mais oui, elle existe et elle s'appelle fantasme. Je pourrais. Vous lancez ça ce matin. Faites ce que vous voulez avec. Que t'as une liberté de penser, une liberté. Liberté c'est vrai qu'il n'y a personne qui est dans ta tête. Mais en même temps, on peut se poser, comme le fantasme, c'est issu d'un certain construit, tu sais, jusqu'à quel point t'es comme le maître d'œuvre de la construction de ces fantasmes-là. Tu sais. Effectivement. Mais je te lance ça dans l'univers, moi aussi. On lance ça, on brasse ça, puis on va finir par en faire quelque chose. Tant que ça reste c'est intéressant parce que dans le fantasme, il y a un aspect créatif. Et qui disait ça? Plus tu fantasmes, plus tu as des fantasmes sexuels, plus tu es créatif. Il y avait, mon Dieu, l'écrivain Jean-Paul Sartre qui disait 90% de ma vie, moi, je fantasme, et le reste, je le mets par écrit. Puis c'est un bonhomme prolifique. Ce qui veut dire que c'est un bonhomme qui a une sexualité quand même assez spéciale. Picasso, c'était pareil, hein, je veux dire, c'est mon Dieu. Mais le fantasme, ça serait pas aussi la capacité à imaginer, à construire à partir d'éléments non matériels dans son esprit. Et ce qui amènerait justement les artistes à être inévitablement cette capacité-là à créer dans leur tête, à imaginer des choses. Je suis pas sûre que le... Ben, bonne question. Là, c'est comme si tu faisais un lien entre la créativité artistique et les fantasmes. Mais en fait, pas parce que fantasme, on s'entend que c'est pas uniquement le fantasme sexuel. Okay. Le fantasme sexuel, ce n'est qu'une facette du fantasme. Hey, en passant, on est en train de faire l'émission sur le fantasme. Oui, ben... Mais on fait, parle du fantasme déviant aussi, hein? Ben oui, c'est là que je m'en allais. Mais ben, en fait, ce que j'ai... Ben, j'ai envie de dire, Anthony, il y a des gens qui ont des... Mais ça, on parle de fantasmes sexuels, qui ont comme une pauvreté fantasmatique, qu'on va appeler. Mm-hmm. Parce que aussi, dans l'évaluation sexologique, quand on rencontre les gens, c'est une dimension qu'on peut aller explorer au niveau des fantasmes, des gens qui viennent en bureau privé puis qui disent « Ah ben moi, j'ai je sens que j'ai pas assez de désir » ou « tu sais, j'ai la difficulté à être excité sexuellement ». Ben on peut explorer la notion des fantasmes parce que, comme tu disais plus tôt, fantasme et désir ou fantasme et excitation, ça va ensemble. Parce qu'on a une excitation physiologique, c'est-à-dire que notre corps va répondre mm-hmm. à des stimuli, on devient lubrifié, on a des sueurs, notre respiration devient plus rapide, etc. Mais sur le plan de notre cerveau, en fait, on dit souvent que notre cerveau, c'est le plus gros organe sexuel, parce que ça part souvent de là. Puis donc, c'est de voir justement, il n'y a pas juste la capacité à se laisser aller, puis la capacité à être en relation avec l'autre, mm-hmm. puis la capacité à l'intimité, mais il y a aussi la capacité à fantasmer, parce que ça va être un moteur avant, pendant, j'avais envie de dire après on dort. C'est un autre genre de fantasme. Ça mais dépend du pardon. C'est un moteur à l'excitation puis au désir, les fantasmes. Donc, c'est ça que des gens qui ont de la difficulté à fantasmer ou qui en ont pas beaucoup, c'est quelque chose qui peut être travaillé, des approches cliniques là, mm-hmm. qu'on va aller explorer ça. Puis même qu'il y a des approches où on va essayer de créer des fantasmes avec la personne. On peut utiliser le fantasme pour faire un travail personnel. Là, on est plus dans une approche un peu plus psychodynamique. Mm-hmm. Mais sinon, c'est ça. Ça peut être utilisé en thérapie. C'est vraiment intéressant. Mais là, c'est sûr qu'on les gens, souvent, sont. Ben, pas souvent, mais je veux dire, pour certaines personnes, ça peut être gênant parce qu'on est vraiment dans l'intimité là, de la très, personne. Très, très, très intime au niveau des fantasmes. Très, très, très intime, exactement. Mais ça peut parler de la personne, comment qu'elle est, comment qu'elle se construit, comment qu'elle se voit, comment est-ce qu'elle vit sa sexualité, mm-hmm. le fantasme. Parce qu'on joue un rôle, comme tu disais, soit derrière la caméra, soit qu'on est la caméra, soit devant, en tout cas. Puis c'est d'analyser tout ça, ça peut être vraiment intéressant. Oui. Oui. On peut dire que le fantasme est construit de tout ce qu'on est, et notamment à partir de l'enfance et très tôt. Encore là, ça dépend de quelle approche tu te situes. Ben, j'aime beaucoup le psychodynamique. On dit en fait qu'il y a des fantasmes primaires puis secondaires. Mm-hmm. Les fantasmes primaires, c'est comme notre empreinte la plus forte. Là. Les fantasmes, souvent les fantasmes qui vont nous suivre toute notre vie, en fait. Puis souvent, les fantasmes primaires sont issus comme de la première ou des premières grosses décharges érotiques qu'on a eues. Puis souvent, okay. c'est quand on est jeune. Fait que je sais pas, juste n'importe quoi, là. Un petit jeune, un enfant ou un adolescent qui il trouve sa première revue pornographique là, de mm-hmm. ses parents, ou il tombe sur un film. Puis là, l'image qu'il voit, oh, il peut avoir une grosse décharge d'intensité sexuelle ou érotique ou peu importe. Puis voilà, puis ça crée comme une espèce oui. d'empreinte sur la personne, puis ça va participer à qu'est-ce qui peut... l'exciter dans sa vie future, puis participer donc aussi à la création des fantasmes. Là, on est plus dans une approche mm-hmm. Cognitivo-comportementale. Fait qu'un peu comme le chien de Pavlov, là, t'sais, on sonne une clochette, puis ça crée un stimuli. Ouais. Donc là, il est en contact avec du matériel qui l'a excité, puis ça participe à la création. Fait que, t'sais, j'invite tout le monde, en fait, à réfléchir. Tout le monde a ça, là, des fantasmes primaires, c'est-à-dire des fantasmes récurrents. Mm-hmm. Par exemple, on a de la misère à être excité. OK, ça, je sais que ça va marcher. Si je pense à ça, ouais, ça va ouais, m'exciter. Ouais. Mettons, si je pense à telle fesse ou telle ou ces seins-là, ou telle position sexuelle ou tel scénario, je sais que ce scénario-là ouais. va m'allumer. Essayez de vous rappeler... Des fois, c'est une image, qu'est-ce qui, dans cette image-là ou dans ce scénario-là, c'est rattaché à quoi? Depuis combien de temps ouais, vous l'avez avec vous? Puis vous allez voir, « Hey, c'est vrai, moi, par exemple, je sais pas, moi, je suis excitée de voir une pénétration en gros plan. » c'est ça qui m'excite. Je parle pas de moi, là, mais je parle d'un exemple. On jase, là. Ben, cette personne-là pourrait se rappeler, « Hey, c'est-tu quoi? La première fois que j'ai été en contact avec du matériel qui m'a excité, je suis tombée sur un film, puis c'était ça, je voyais un gros plan d'une, mm-hmm. d'une relation sexuelle. Puis là, c'est drôle, dans ma vie actuelle, ce qui m'excite, c'est de voir en gros plan, quand je fais l'amour, de bien regarder mon pénis, tu sais, qui pénètre ouais. ma conjointe. Je suis comme, ah! Fait que, tu sais, il y a des liens à faire de cette façon-là. Des fois, les films pornographiques ou des fois même les photos mm-hmm. dans les rues pornographiques vont comme cristalliser des fantasmes qu'on a. Un exemple, il y avait une femme qui me disait, ben, je peux même parler de moi aussi, « Hey, j'ai regardé un film, puis tel film à un moment donné, oups, il y a une scène où ce que j'ai accroché, mm-hmm. puis j'ai comme développé un code addict à ça, mm-hmm. parce que ça revenait rejoindre ce que moi j'avais comme fantasme. Mm-hmm. » Et c'était très anodin, puis je pensais que j'étais le seul mm-hmm. avoir ce type de fantasme-là. Et c'est ça. C'est qu'à un moment donné, tu sens que tu n'es pas tout seul. Mm-hmm. En sexologie, on peut faire des analogies aussi. On ne parle pas tout le temps des fantasmes comme ça. Mm-hmm. Pascal en parle en tant que professionnel puis en tant aussi de sexologue clinicienne. Mais écoute, c'est important d'essayer de se connaître et de voir comment on fonctionne parce que souvent, on dit... Le fantasme se présente la psychodynamique de l'individu. Hein? Mm-hmm. Dis-moi ce que tu fantasmes, je te dirai qui tu es. Tu sais. Ouais. Mais on va... On va arrêter là, on va quitter pour une courte pause parce que... C'est juste un intro qu'on a fait pour la prochaine fois. Je ne sais pas si c'est un intro, mais c'est bien entamé. On va arrêter là, on vous quitte pour une courte pause. Revenez-nous après, tout de suite. Thank you. Vous êtes de retour à C'est fou le sexe sur les ondes de C'est fou 89.1. Je suis en compagnie de Maître Pascal Alberne-Lahaye, qui est sexologue et psychothérapeute ici à Trois-Rivières, et bien sûr du délicieux Pierre Soucy, qui hoche de la tête pour dire oui parce que je l'ai chicané pendant la pause, puis là, il n'ose plus parler. Délicieux. Il est délicieux. C'est pas parce que j'ai goûté, je mais... Je suis pas révolte quand même, hein? Comment? Un Rebel. C'est un Rebel? Oui, c'est un Pops. Okay. Ah, ben oui. Pops, écoute, ça dit ça. J'ai mes sources. On m'a dit que tu étais délicieux. Pas des étudiantes, toujours? Non. On salue à ça. Jamais. Bon. Oui, on parlait sur de fantasmes. On parlait de fantasmes. T'es bonne là-dedans quand même, parce que... Oh, excuse-moi, je ne voulais pas t'interrompre. On parlait notamment du fantasme... on voulait introduire le fantasme déviant. Oui. Et ça m'intéresse tout particulièrement. Je pense que je vais en faire une... T'as des questions, sujet d'étude. J'ai des questions. Je me demande pourquoi il faut que je sois déguisant en canard avec une patate dans la bouche. Non. La position du petit canard, hein? T'es dans le corps, mais ce n'est déviant que ça cause une souffrance. On va rappeler ça. Mais ça pour dire. Mais oui, mais c'est justement, qu'est-ce qu'un fantasme devient? À partir de quoi il est devenu? C'est drôle, elle parle de ça, puis elle fait ça de même. Ouais, elle attache sa blouse en disant OK, bon. Mais tu sais, des fantasmes, il y en a, mon Dieu, il y en a, chaque personne a des fantasmes différents, fait qu'il y en a de tous les types, de toutes les sortes, puis encore là, on a aussi nos référents culturels, fait qu'un fantasme, un chinois, un indien, un russe, n'importe quoi, je veux dire, ou même on pourrait quasiment, en région, tu sais, selon comment on a été élevé. En tout cas, les fantasmes, c'est vraiment un construit social aussi, un petit peu à la base, hein. Oui. Mais tu sais, pour dire que... on parlait plutôt là, un petit peu comment qu'un fantasme pouvait se former, plus par une approche cognitivo-comportementale. Je donnais l'exemple du chien de Pavlov, là, tu sais, comme on a une association, on tombe sur du matériel érotique ou quelque chose qui peut créer une excitation, puis des fois, cette excitation-là que ça crée, ça fait une espèce d'empreinte qu'on conserve pour la vie, là, tu sais. Fait que ce qui nous a excité, c'est un petit peu ça qui va teinter aussi nos fantasmes primaires pour le reste de notre vie. Fait que c'est ça qu'on expliquait. Puis d'ailleurs, juste pour faire du pouce par rapport à ça, c'est un peu ça la préoccupation des éducateurs au niveau de la sexualité pour tout ce qui concerne la pornographie. Parce que ce qu'on craint, c'est que les jeunes, justement, cette espèce d'association-là, ce spark-là, cette étincelle, je vais le parler en français, étincelle-là que ça crée, qui est un petit peu à l'origine de nos premiers fantasmes, on a peur que la pornographie, dans le fond, soit à la source de ces étincelles-là chez nos jeunes. Ouais. Parce que ce qu'on voit dans la pornographie, ben c'est souvent, on parle souvent de rapports inégaux, c'est-à-dire la femme est souvent en position de soumission, on est avec des corps toujours très stéréotypé, des pubis rasés. Il y a des... On voit pratiquement toujours les mêmes scénarios sexuels où, comme je dis, la femme plus en position de soumission. Les préliminaires sont peu présents. Il y a moins de... Le côté affectif, il est pratiquement pas là. Puis en tout cas, il y a des choses plus hardcore là aussi, là, tu sais, avec on peut parler même de violence là, qu'on peut voir dans les scénarios. Puis tu sais, on peut avoir de toutes les sortes, là, maintenant, sur Internet, on a accès à n'importe quoi, là, que ça peut être avec des enfants, de la violence, des animaux. Tu sais, je veux dire, écrivez un mot-clé, là, vous allez tomber sur des affaires bien bizarres. Absolument. Mais faites-le pas si vous voulez pas nécessairement de problème. Ouais, c'est ça. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est très facile. C'est ça, on vous dit que c'est facile. Fait que tu sais, pour dire qu'on craint que les enfants ou les adolescents associent justement que leur première, pas pulsion sexuelle, mais que leur première décharge érotique, un petit peu à la base des fantasmes, soit associés avec des éléments pas très positifs au niveau de la sexualité. Okay, pas très sain, finalement. Pas nécessairement sain, c'est ça. Fait que ça, c'est... Ce qui, auparavant, arrivait moins à cause qu'il n'y avait pas autant d'accessibilité à la pornographie. Ben là, avant, tu tombais, je sais pas moi, sur la revue Sears, t'étais excité par la page des femmes en soutien-gorge. Fait que tu sais, déjà là, il y avait... Probablement, c'est beaucoup moins violent comme image que si tu tombes sur... une pénétration en gros plan sur Internet, puis la femme qui a l'air d'avoir mal parce qu'elle aime pas ça, parce que je sais pas sur quel film t'es tombé, tu sais, je veux dire, on n'est pas à la même place, là. Non, c'est davantage une érotisation du corps qu'une véritable... Ben, c'est plutôt l'action, hein, parce que des fois, c'est pas le cadre, c'est plutôt la mise en scène qui est quand même érotique. Oui, là, on parle de pornographie, mais si on parle de l'origine du catalogue Sears, il y avait plus ou moins... À moins de tourner les pages bien, bien vite, il n'y avait pas vraiment d'action. Ben, les filles à maillot de bain aussi, c'était... Mais à l'époque, c'était une... Ben, en fait, de voir un corps plus ou moins dénudé était fantasmagorique. Si on remonte encore plus loin, voir les chevilles ou les poignets d'une jeune dame était source de fantasme. La notion du... le secret, finalement, le mystère. Mais ça, encore tout ça, ça participe beaucoup au fantasme et à la sexualité. C'est juste que... nécessairement, si on a accès à des vidéos pornographiques quand on est jeune, la part de mystère est moins là. Tu l'as en pleine face. Tu sais, le côté où que toi, comme jeune, à partir d'images ou à partir de photos, ou en tout cas à partir de matériel un peu caché, là, tu bâtis toi-même tes propres scénarios, puis un petit peu aussi en regard par rapport à ton âge développement puis ta maturité. Il y a quelque chose où tu vas... toi-même te créer quelque chose au niveau de ton univers. Tandis que là, ça t'est donné sur un plateau d'argent, dans un univers d'adulte, puis comme je disais souvent, dans un contexte de peu d'affection, des rapports de soumission, tu sais, avec des gros stéréotypes incroyables, puis des scénarios, en tout cas, je suis pas obligée de les nommer, là, peut-être des enfants qui écoutent, mais on voit tout le temps les mêmes scénarios, là, je veux dire, dans les films. Mais ça revient ça aussi un peu toujours de la même façon. À notre sujet de la semaine dernière, ou il y a deux semaines, où on faisait la comparaison entre la littérature érotique et la pornographie. Qu'est-ce que ça l'amenait de différent? Et on avait soulevé notamment les points que tu amènes. Ce que je voulais avoir ton avis d'ailleurs à l'autre émission, c'est comment les fantasmes déviants ou justement le visionnement de matériel déviant peut amener jusqu'à potentiellement une action. Soit on parle bien sûr de violence, pédophilie, et ainsi de suite. Comment cette cristallisation-là dans l'action de... visionner, qui est un acte concret, qui est un acte volontaire, comment ça peut potentiellement amener vers... Parce qu'il y a des écoles de pensée ou une certaine réflexion populaire qui fait que, mais au moins minimalement, ils ont accès à la pornographie, donc au moins ils vont passer leur pulsion là plutôt que de les passer ailleurs. Ce que je cautionne pas nécessairement, mais même moi, je veux pas prendre position à droite ou à gauche pour l'instant. J'aimerais qu'on ait le débat, mais... Mais moi, je vais en faire un débat. Je ne remets pas en cause ce qu'elle dit, parce que c'est vraiment intéressant, puis je le suis là-dedans. Mais je me demande, quand on parle de pornographie, moi, en tout cas, j'en ai une définition. On met beaucoup de choses dans la pornographie. Une femme qui est soumise, un gars qui a un gros pénis ou qui parle toujours des... Tu sais, on a des trucs qui se respectent. Pour moi, la pornographie, c'est avec... évidemment, quand c'est des animaux, des enfants, où ce qu'il y a une violence qui n'est pas acceptable, des scènes de viol, ça, pour moi, c'est porno. Mais le reste, là, qu'est-ce qui était porno avant? C'est quoi la frontière entre l'érotisme et la pornographie? Parce que je me dis, il va y avoir une différence là-dedans. Il y en a une différence, je la sais, mais je te pose la question, Pascal, parce que qu'est-ce qu'on voit comme film porno? Et je m'excuse les angles, mais moi, je considère pas ça comme pornographique, parce que c'est plus érotique. Peut-être dans une visée féministe, c'est pornographique. De toute façon, on sait que... Je dois avoir une visée dans l'homosexualité, puis il y a des films... il y a des féministes qui réclament aussi, pas seulement l'érotisme, mais il y a un débat là-dessus aussi au sein du mouvement féministe, où ce que il y a des femmes qui aiment la pornographie. Là, on va arrêter de dire que c'est toujours le constat des gars. Oui, il y a plus de gars qui aiment ça. Mais il y a des femmes qui aiment de plus en plus la pornographie et qui aiment aussi les rapports coïtaux, de voir des rapports coïtaux. Chez les hétérosexuels, ça fait lubrifier. Mais c'est quoi la différence entre porno et érotisme? Parce que moi, je dis que ce que j'ai vu jusqu'à date, dans ma vie, ça a été seulement des films érotiques. Et quand il y avait un film porno, à un moment donné, que ce soit avec des animaux, des personnes abusées ou des scènes de viol, moi, je ne voulais pas. Je me dis non, ça ne me tente pas, je ne veux pas voir ça. Ça ne m'excite pas. Fait que donc, il y a un choix aussi par rapport à ce qu'on veut faire. Bien, quand on parle d'érotisme, c'est sûr qu'on pourrait aller chercher des définitions un petit peu plus poussées de l'érotisme versus pornographie. Mais l'érotisme, ça fait beaucoup appel à tout ce qui est le désir, le plaisir, un petit peu l'apprentissage à la sensualité, le toucher, les sens. On parle aussi beaucoup de ce qui concerne tout ce qui est l'esthétisme. T'sais, on parle souvent les arts, fait que l'éveil à la beauté, aux émotions provoquées par la beauté, les corps, les actions, en tout cas. On est loin de justement du... De ce qu'on peut retrouver sur Internet, qui est, selon moi, de la pornographie pure et simple. Quand le film se passe autour d'un coït ou d'une activité sexuelle, peu importe, qu'elle soit... Accès sur la génitalité. Exactement. À partir de ce moment-là, où l'ensemble du film est porté là-dessus, c'est de la pornographie, selon moi. Ce n'est plus de l'érotisme. Comme tu disais, toutes les notions de sensibilité, de beauté... L'appel au sens, puis tu sais, c'est un peu aussi la préparation du corps, des fois, en tout cas, à la relation sexuelle. Tandis que la pornographie, on a plus l'impression on va plus parler d'exploitation sexuelle ou quand on présente une sexualité pratiquement exclusivement génitale, que là, on est peut-être plus au niveau de la pornographie. Pornographie, c'est très objectivation des corps. Effectivement. Tandis que dans l'érotisme, c'est peut-être plus une glorification des corps humains et de la sexualité humaine. Quand on vient dénaturer, finalement, quand on vient sortir de son contexte et de sa réalité, la sexualité, on vient la pervertir ou la dénaturer, mais c'est littéralement ça, selon moi. Et c'est notamment pourquoi la pornographie ne m'intéresse pas. Elle m'intéresse sur le plan... rapidité, consommation, elle m'intéresse au niveau intellectuel, au sens où de comprendre qu'est-ce que la pornographie a comme impact sur nous, ça m'intéresse. Mais de consommer de la pornographie, ça, c'est... Je suis plate de même, là. Mais elle m'intéresse pas. Mais c'est intéressant ce que tu dis, pornographie versus tout ce qui est érotique. Fait que, dans le fond, tu dis objectivation des corps par opposition à glorification du corps. Je trouve que ça résume quand même bien. Ça fait une thèse de maîtrise. Tu peux faire ta thèse de... On t'a envoyé là-dessus. Une thèse, un doctorat, fait que... Non, c'est un essai à la maîtrise. C'est quoi, non? Tu sais, quand on parle de sexualité déviante, puis même pas déviante, là, en fait, là, quand on explique les fantasmes par une autre approche qui serait plus psychodynamique, il y a un auteur, je pense que c'est dans les années 70, ça fait déjà plusieurs années, il s'appelle Robert J. Stoller, en fait. Oui, on était très étudié en sexualité. Robert J. Stoller, Puis lui, il explique toute la construction, justement, du désir, du fantasme, selon son approche, et c'est extrêmement intéressant. Puis, mon Dieu, faudrait que je relise un peu pour pouvoir vous le digérer, puis vous l'expliquer comme il faut ce matin. Ouais. Mais il y a quelque chose un petit peu de l'ordre où... c'est comme si on avait vécu des traumatismes dans notre vie ou des situations difficiles, puis le fantasme est un petit peu une façon d'être victorieux dans ces situations-là. Renverser le traumatisme en triomphe, qu'il disait. Exactement. Fait que transformer le... Il mettait l'exemple scolaire sur des prostituées. Comment ça se fait que des filles, puis je mets pas, là, je fais pas d'analogie avec tout ce que je veux dire, mais il comptait l'histoire d'une prostituée qui avait été abusée sexuellement, puis elle dit, comment ça se fait que cette fille-là, en étant abusée, elle s'en va vers la prostitution. Puis il a découvert dans l'action de sa fantasme, c'est qu'elle voulait tout le temps renverser le traumatisme en triomphe. Une reprise de pouvoir. C'était elle qui était... Inconsciente. C'est elle qui contrôlait, non pas le client nécessairement. Il y avait un contrôle financier, mais à un moment donné, il y avait comme un jus de pouvoir là-dedans. Effectivement. Puis lui, il apportait aussi toute la notion, la part du mystère, la part du dévoilé caché, comment est-ce que tout ça contribuait aussi à l'excitation. Puis en tout cas, c'est vraiment fascinant. Puis effectivement, tu sais, si on se met à analyser ça de façon plus profonde, les gens vont dire « Mais voyons, tu t'en vas là-dedans. » Mais, tu sais, vous pouvez essayer de voir votre fantasme, là. Tu sais, un peu comme Pierre l'a décrit pour la prostituée, mais tu sais, je sais pas, quelqu'un qui a des fantasmes de soumission, puis là, elle se fait sauver par quelqu'un. Bon, ben peut-être que profondément, dans d'elle, il y a une partie d'elle plus jeune. Je sais pas, moi, elle a vécu de la négligence. Puis là, ben, à travers le fantasme, il y a quelque chose de triomphant ou qu'il y a quelqu'un qui vient la sauver de cette soumission-là, cette négligence-là. Puis, tu sais, ça veut pas dire que ce fantasme-là est pas bon. C'est juste que ça nous permet là, de mieux comprendre d'où viennent nos fantasmes, comment qu'on est construit. Puis, tu sais, évidemment, si on a des difficultés sexuelles, bien là, à partir du fantasme, on peut comprendre beaucoup de choses sur la personne parce que la sexualité, on dit souvent que c'est comme une des plus belles portes d'entrée, puis pas juste la plus belle, mais tu sais, celle avec la représentation la plus forte, mm-hmm. celle qui a le plus de sens pour justement bien se comprendre, pour voilà. Et c'est la beauté de la sexologie. Puis c'est encore d'actualité, c'est horaire, parce qu'il a écrit ça des années 70. Oui, il est décédé en 85, je pense, Robert Stoller. Puis, mais il a marqué vraiment... je sais que Claude Crépeau parlait beaucoup, beaucoup de Stoller dans ses concepts sexuels analytiques. Fait que dans les déviances, là, si on l'explique sur ce point de vue-là, ben, tu sais, par exemple, c'est ça, une personne qui a été agressée sexuellement ou peu importe, puis on se demande ben, pourquoi est-ce que cet agresseur-là est cette victime-là est aujourd'hui agresseur. Mm-hmm. Ben, ça peut être une façon de triompher au niveau des agressions qu'il a vécues quand il était petit. Puis là, ben, là il y a une espèce de part de pouvoir qu'il va rechercher en agressant d'autres enfants à l'âge adulte. Mais ça, c'est vraiment une thérapie sexuelle qui va permettre de mettre le doigt là-dessus, là, puis de décortiquer tout ça. Puis la différence aussi, quand on dit qu'il y a un trouble, tu sais, parce que déviance, là, c'est facile. Je veux juste faire une petite parenthèse. Ben, déviance, c'est qui dévie de la norme. Mais oui, ta parenthèse. Ma parenthèse, c'est la différence entre éducation à la sexualité puis sexologie. La sexologie, on va vraiment dire que c'est la science, c'est l'étude des phénomènes. Donc, exact. On va amener des statistiques. On va justement dire, bon, ben la normalité, entre guillemets, c'est-à-dire la majorité des personnes vont vivre leur sexualité de cette façon-là. Puis, au point, ben là, on voit les personnes un petit peu plus atypiques qui vont la vivre d'une façon différente. Mm-hmm. Donc, la sexologie amène un regard scientifique ou descriptif, normatif. Vraiment normatif, en fait. On amène des normes. Donc, c'est ça. Puis, l'éducation à la sexualité, ben c'est plutôt le contraire, tu sais, on veut faire réfléchir, on est plus dans une perspective de comprendre, de faire du sens. Donc, c'est ça qui peut être dangereux. Si moi, je suis un éducateur qui va faire de la sexologie avec mes élèves, fait que c'est-à-dire que j'amène des chiffres, là, je dis 90 % des enfants ou des adolescents font l'amour comme ça. Hey, là, je tombe dans des normes. Je suis en train de faire de la sexologie, je suis en train de donner des stats. Je ne suis pas en train de faire réfléchir mes jeunes, je suis en train de faire en sorte qu'ils vont se comparer. Oui, puis je donne une information. Je ne suis pas en train de les faire juste, je donne une information. Mais tu donnes aussi un aspect normatif. Oui, mais c'est important aussi dans ton rôle en tant que sexologue, clinicienne ou éducatrice, peu importe, parce que tu as les deux. T'es coiffé des deux chapeaux. C'est important de donner ça parce que quand les étudiants se comparent, admettons, dans un cours, ils vont toujours trouver, en fin de compte, des balises. Et souvent, ces chiffres-là donnent des balises, mais c'est juste un aspect en fonction d'une telle étude. Et des fois, c'est sécurisant pour quelqu'un qui sait, « Ah, ben oui, ah ben j'ai vu dans un cours que tel prof, Pascal a dit ça, qu'il y avait tant de personnes, blablabla, mais je m'en compare dans cette gang-là, moi, puis je trouve ça le fun. » Tu sais, c'est quand même intéressant aussi de pouvoir sécuriser les gens qui vont t'écouter. Mais c'est vrai qu'il y a un aspect sécurisant, mais en même temps, l'objectif, c'est pas plutôt que la personne connecte avec qu'est-ce qu'elle est vraiment, qu'est-ce qui lui convient plus, plutôt que... Très humaniste comme approche. Oui, c'est ça, plutôt que de... Ben, tu sais, qu'on est plus dans une perspective de rassurer, puis on reste un petit peu dans la comparaison. Mais c'est vrai que, tu sais, ça a pour effet de rassurer, mais c'est parce que ça peut avoir aussi l'effet inverse. Puis, si toi, t'es dans le 10 %, c'est, tu sais, comment que tu te sens, toi, dans la gang, là? Oui, t'es dans le 10 % qui a pas fait l'amour encore, alors que t'as 19 ans, mais ça se peut que tu te dises, est-ce que je suis normal? Et là, ça amène de la souffrance. Une souffrance qui n'était peut-être pas présente. Et que par une action qui se veut éducative, tu crées de la souffrance. Oui, d'une certaine façon. Plutôt que de dire, toi, t'as 19 ans, t'as pas fait l'amour, ben, tu te sens comment là-dedans? Je sais pas, moi, au niveau relationnel, ben, qu'est-ce qui se passe? T'sais, y a-tu besoin d'aide par rapport à ça? Ou, t'sais, je sais pas, moi, valider, c'est quoi ses valeurs? Comment il se sent là? T'sais? En fait, l'éducation à la sexualité, si je peux la résumer selon mon point de vue, elle tire autant sa source dans la sexologie que dans la clientèle à laquelle elle est vouée. Si je parle des adolescents, il faut que je me concentre ou que je me colle à leur réalité, à leurs besoins, à eux, qui est très, très, très subjective et qui est très unique, en fait. Je peux parler à un groupe d'adolescents à Saint-Maurice versus à, je sais pas moi, à Shefferville, qui est complètement différent. Mais je dois m'y puiser là-dedans. Si je fais uniquement sortir des normes, justement, de la sexologie, c'est là où je passe à côté. Mais si je me base uniquement sur la réalité, je passe à côté aussi. Donc, c'est l'éducation à la sexualité, c'est vraiment une fusion entre les deux réalités. Comme par exemple, les étudiants à l'université qui suivent des cours en sexo, qu'est-ce qu'ils viennent? Ils viennent chercher une formation en sexologie. Donc, les enseignants devant eux ne sont pas en train de faire de l'éducation sexuelle avec eux. Non. On est en train de faire... On va dire ça de même, faire de la sexologie. Oui. Puis le danger, c'est que ces éducateurs-là ou ces personnes-là, exemple, c'était moi, tu sais, si je vais dans une école, bien, il ne faut pas que je me présente comme un prof d'université ou que je m'en viens transmettre des informations seulement. Tu sais, c'est certain que tu veux donner des bonnes informations. C'est certain que moi, ce que je vais enseigner ou mes ateliers vont se baser sur des savoirs scientifiques, sur des connaissances. Mais tu sais, clairement que c'est ça. En tout cas, c'est juste... Moi, c'était ma petite parenthèse débat. Mais c'est une belle parenthèse. Mais c'est une parenthèse, de faire attention. Il y a une différence entre sexologie puis éducation à la sexualité. L'éducation à la sexualité, à la rigueur, puis arrête-moi si je me trompe, est-ce que ça pourrait pas être... Son rôle premier, ça serait pas d'inspirer et de... Ben oui, littéralement, d'inspirer les jeunes, de les toucher dans leur être... Pour que ces notions-là, mais aussi que ces réalités-là viennent s'intégrer à ce qu'ils sont, dans le fond. Ben le but ultime, c'est d'être heureux, finalement, aussi. Exactement. D'être heureux dans ta sexualité, d'être heureux avec les gens que tu côtoies, dans tes relations, dans ton intimité, dans ton identité. D'avoir l'impression que tu apportes de quoi à l'humanité, hein? Puis tout à l'heure, Pascal, tu as parlé, peut-être Anthony, mais on parlait de difficultés, hein, l'aspect normatif. Comment qu'on voit des adolescents aujourd'hui, tu sais, qui ne se... Ils disent, écoutons, j'ai 19 ans, 18 ans, j'ai pas eu de relation sexuelle. Puis c'est plein de gens autour de moi, même 14, 15 ans, qui ont des relations sexuelles. Et ça doit les rendre... puis je parle pas seulement des hétéros, hein, je veux dire, il y a des gens qui se disent, ils sont ados, ils sont homosexuels, puis ils n'ont jamais eu de relation homosexuelle. Comment qu'on peut les sécuriser là-dedans, mettons, 18, 19 ans, 20 ans, qui n'ont pas de relation, mais qu'il y en a des plus jeunes qui en ont? Comment qu'on fait avec ça? Comment tu fais avec ça? Ben moi, je pars deux, je ne sais pas comment dire. C'est-à-dire, s'ils se présentent, puis quelqu'un vient se confier à moi, ou si c'est dans le cadre d'une thérapie, d'une démarche personnelle, ben je pars de où qu'ils m'amènent, là, finalement. Que je vais regarder eux, comment ils se sentent par rapport à ça, c'est quoi leur vécu. En quoi que pour eux, c'est un problème aussi. C'est important de se poser la question, parce que tu es encore jeune, là, à 18-19 ans, mais tu sais, je peux comprendre qu'il y a quand même une souffrance. Fait que tu sais, de voir son où, comme les blocages ou les difficultés pour eux, puis on essaie de les accompagner là-dedans. Puis si la souffrance est vraiment dans une perspective comparative, bien là, ça parle beaucoup de la personne. Qu'est-ce qui fait que toi, tu te compares puis que tu vas t'évaluer par rapport au regard de l'autre plutôt que de te centrer sur toi puis, tu sais, de faire ton petit bonhomme de chemin puis éventuellement, tu sais, tu vas rencontrer quelqu'un. Mais peut-être que, tu sais, en dehors de la phase, la situation de se comparer, bien peut-être que la personne va dire « Ouais, mais moi, je suis tellement gênée, je souffre de timidité, ça m'empêche d'avoir des relations, d'approcher des filles. » Bon, mais ça, là, on est dans d'autres choses. Fait que là, on va aller travailler... un autre aspect de par rapport à ses difficultés avec cette personne-là. Il y a peut-être une autre personne qui va dire « ben moi, si je suis complexée physiquement, fait que c'est mon image corporelle, mon estime de soi, ma confiance qui est à travailler. » Fait que c'est ça. Fait qu'on part vraiment de où elle est, la personne, puis on est un petit peu comme un guide, puis on accompagne la personne dans ce chemin-là. Voilà. Voilà. Voilà. C'est que j'étais en train de répondre et de lire un message de nos auditeurs qui appréciaient tout particulièrement l'émission ce matin. J'essaie de retrouver le message au complet. Je sais pas ce que j'ai fait, là. Manipulation très, très maladroite avec mes gros pouces. Mais je voulais lire en nom. Parlant de gros malheureusement. Pouces, vas-y, non? Ben, tu voulais-tu dire quelque chose, Anthony? Sinon, je vais racheter un truc. Oui, mais on va aller à la pause aussi tout de suite. OK, bon, ben, vas-y. On va à la pause? OK, ben, en fait, je voulais dire, par rapport à l'actualité, là, je sais pas si vous l'avez vu, juste faire un lien, justement, il y a un monsieur qui avait créé une association sur Internet, ou en tout cas, une genre de page web pour venir en aide, ou en tout cas qui regroupait là, les gens qui avaient, les agresseurs sexuels, là, ceux qui avaient des fantasmes pédophiliques, en fait. Okay. Cette personne-là, en ce moment, est en train de subir son procès. On voit ça dans les journaux. Oui, est-ce que ça vous dit quelque chose? Puis lui, en fait, aux accusations de pornographie juvénile, il a plaidé non coupable, alors qu'il y a d'autres personnes qui se sont faites prendre à être sur ce site-là, à partager des vidéos pornographiques qui ont plaidé coupable. Mais cette personne-là, dans le fond, le fondateur du site web où est-ce qu'il partageait de la documentation pédophilique. Donc, c'est ça. Lui, il a plaidé non coupable en disant « Ben, c'est le contraire. Moi, j'aide les gens à ne pas passer à l'acte parce qu'on se permet juste de fantasmer. Puis, ça nous aide à ne pas passer à l'acte, d'avoir accès à du contenu pornographique juvénile. » Mais là, tu sais, il y a quand même des enfants qui se sont fait exploiter pour accéder à ces documents. Mais en tout cas, peut-être après la pause, c'est quasiment un débat, tu sais, pour que les agresseurs sexuels, agresseurs, en tout cas ceux qui ont des fantasmes pédophiliques, puissent avoir accès à du contenu pour ne pas passer à l'acte. En tout cas, on pourra en discuter. Un beau débat à venir. Fait que, sur ce, touchez pas ce piton-là, revenez-nous après la pause. De retour à C'est fou le sexe en ce 20 février 2018. Vous êtes sur les ondes de C'est fou 89.1, vous aurez deviné, hein? Je suis en compagnie de mes deux partenaires, Pierre Soucy et Pascal Albernaet, qui est sexologue et psychothérapeute. Pierre, il a le don de me couper mes intros, bâtard. Une petite rapide, et ensuite on a aussi une autre nouvelle. En fait, on va aller plus dans l'actualité très très brièvement. On a Gabrielle, une athlète olympique. Hey, j'ai de la misère avec mes health, avec le calf. Je vais faire un brrr. Ouais, ça va être fini. Ensuite, on arrête de bafouiller. Gabriella Papadakis. Hey, t'as pas ouais, tu l'as vu. Qui est dans. Une patineuse artistique. Et oui, en effet, qui aurait eu un petit problème de costume et qui aurait fait apparaître, oh mon Dieu Seigneur, quel scandale. Et c'est très bien. Un petit bout de nipple. Ben, en fait, c'est pas bien ni mauvais, c'est surtout la couverture médiatique qu'on accorde à ça, mais c'est ridicule compte tenu du... Je veux dire, bravo. Elle a fait sa performance malgré ce petit souci-là. C'est comme des joueurs de tennis. C'est comme des joueurs. Ben oui. Par contre, pourquoi qu'on s'en enflamme à ce point-là, ça, je la comprends pas. Je le comprends sur le plan sociologique. On n'a pas assez de médailles d'or, fait que là, on va voir d'autres nouvelles. Effectivement. Je pense qu'ils ont gagné une médaille d'argent. Eux autres, c'est un couple-là? Oui. Je pense, oui. Oui, c'est, oui, c'est ce que j'ai c'est ici bien. Comme info. C'est le couple français, en fait, en patinage artistique, si je ne me trompe pas? Je sais pas. En tout cas, France. Bref, c'est ça. Le costume de la fille, il s'attache dans le cou, puis ça s'est détaché au niveau de son cou, donc le top, le haut de son costume était comme en train de descendre tranquillement le temps qu'elle faisait sa chorégraphie en patin avec son partenaire puis de patin. Puis on s'entend qu'il bouge vite. Puis donc, c'est ça. Puis voilà. Puis là, éventuellement, je pense qu'on a vu à peine une microseconde, peut-être un petit bout de mamelon. Puis comme tu dis, tu dénonces la couverture médiatique, en effet. Ben, je trouve ça ridicule, à la rigueur. C'est comme le Nipplegate en 2004. C'est comme le Nipplegate, mais qui avait une teneur différente. Justin Timberlake, puis Jackson, comment ça s'appelait? Janet Jackson, c'est ça. Au Super Bowl il y a quelques années. En 2004. Et ça m'avait inspiré d'ailleurs ma première chronique aux Zones Campus, qui était La peur collective des saints. Si ça vous intéresse de la lire, vous pouvez toujours retourner sur le site Zones Campus. Si ça vous intéresse, quoique j'ai mûri un peu depuis sur le plan sexologique. Mais moi, je suis comme un petit peu étonnée que cette réflexion-là par rapport aux médias, ça ne s'est pas dirigé par rapport aux costumes. Parce qu'on dirait qu'ils sont de plus en plus... on dirait qu'ils montent de plus en plus de peau, ces costumes-là. Mais bien, bientôt, on va voir Eugénie Bouchard dans son micro-costume de on bain. On le voit déjà. Qui va faire... On la trouve facilement. Ouais. Mais ça aussi, c'est ridicule, là. Regarde les femmes aux Jeux olympiques d'été. les costumes, ceux qui font du relais, là, les costumes, on va parler de costumes, sont très, très moulants. Les petites culottes sont quand même assez serrées. Puis même quand on voit le volley-ball de plage féminin, il y a tout le temps des affaires qui font qu'à un moment donné, tu sais, ou les joueuses de tennis, par exemple, encore l'affaire, c'est comme si c'était vraiment très sexualisé, hein? Il y avait un aspect au corps, puis c'est toujours les femmes qui sont les victimes de ça, si on peut parler de victimes, mais c'est toujours comme le fait de voir plus de peau, plus de chair, hein? OK? Mm. À un moment donné, j'ai vu ça dans le patinage artistique, je pense que j'ai mis ça sur le web, assez fou le sec, je voyais un gars, je pense que c'est des Asiatiques, là. Le gars, la façon qu'il prenait sa partenaire, c'est comme s'il faisait un cunnilingus debout. Il tournait avec. Non, c'est vrai, Pascal. Moi, j'ai mis ça sur C'est fou le sec. Okay. J'ai dit, on va-tu en parler à la prochaine chronique? Puis là, puis la femme, la patineuse était crispée. Puis le gars avait né complètement dans son appareil génital, puis c'était drôle, mais en même temps, tu sais, ça fait la fureur, ça, sur le web, hein? Mm. Fait que, bon, on est pogné là-dedans, là. Puis des fois, tu sais, des fois, il y a toujours deux revers à une médaille, puis là, c'est comme, bon, ben, est-ce qu'on voit du sexe ou est-ce qu'il n'y en a pas, tu sais, ils font une figure artistique, puis lui, il apprend d'une façon ou qu'il a, ouais. Il l'a fait tournoyer autour de lui, puis bon, il a la face entre ses jambes, que tu veux. C'est ça, ouais, c'est ça l'histoire. Il y a un petit exercice, ouais, qui est très, très intéressant à faire, avec même avec des enfants, en, ouais, fait, où on fait un dessin qui est très, très subjectif, mais en même temps qui est très, très niais, mm-hmm, qui est le dessin d'un chien ou qui est le dessin de toutes sortes d'affaires, là, qui peut représenter ou pas quelque chose de sexologique. Et c'est là où on voit les gens, comment, à quel point ça transforme leur perception. Qu'est-ce que tu veux dire? Comment qu'on a l'esprit tordu quand on voit une machin et on voit du sexe dedans? Exactement. Je l'aurais pas formulé aussi bien que toi. Mais oui, en fait, on dessine un chien. Fait que là, on voit un mamelon, puis on attribue ça. Oh. Tu sais, oh, mon Dieu, c'est comme si on sexualisait les seins, ben, la patineuse. On sexualise les seins. Ben oui, ils sont sexualisés dans notre société. Ouais. Puis, effectivement. Oui. Mais, alors qu'en Papouasie, l'appareil génital féminin aussi, hein, je veux dire, maintenant, la veuve depuis les années 70, tu sais, quand on regarde les joueuses de tennis, comment ça s'appelait, celle qui était tout le temps, elle portait pas de petites culottes, puis les gars, les photographes essayaient tout le temps de prendre sa vue, comment ça s'appelait, donc? Je ne l'ai pas. Kornikova, ça se peut-tu, une Russe? Puis elle a fait sa notoriété avec ça, puis c'est ça, ah, mon Dieu, c'est... Le sport devient un enjeu de quelqu'un, comment on dit ça, de voyeurisme, hein? Mm-hmm. OK? On voit comme une espèce de sexualisation de l'espace public, on va dire ça de même, l'hypersexualisation même dans le milieu sportif. Mais en, ah, même, oui, temps, c'est pas tous les athlètes. Non. Puis évidemment, tu sais, le regard des médias vont vers ces athlètes-là, malheureusement, peut-être au détriment de d'autres plus sérieux ou en fait, mm-hmm, qui misent pas sur leur image. Mais là, on va prendre dans plein d'affaires parce que là, les athlètes aussi peuvent dire, ben écoutez, nous autres, on peut se faire du, comment je peux dire ça, comme du profit avec les publicités. Absolument. Plus qu'on est exposé médiatiquement, puis tu sais, c'est plate, mais c'est l'image qui vend. Fait que tu sais, il y en a qui tombent dans une espèce de cercle vicieux de, ben c'est ça, tu sais, il faut que je présente telle image ou telle image fait vendre. Plus c'est sexualisé, l'image va faire vendre, donc je peux aller me chercher des commanditaires parce qu'on sait que les sportifs professionnels, je veux dire, ceux, les sportifs olympiques, en fait, par exemple, eux, ont pratiquement pas d'argent. Ils ont de la misère à vivre, puis c'est dur d'aller chercher des commanditaires. Effectivement. Par contre, il y a un contre-effet, puis on peut penser à l'hypersexualisation, quand une Eugénie Bouchard, qui est une athlète, mm-hmm, à la base, qui est un modèle pour bien des jeunes femmes et des jeunes hommes, mm-hmm, qui va justement... Ben, elle utilise son image à profit. Objectiver son corps. Oui, effectivement. Mais c'est pas une image de « je suis une athlète, je m'entraîne fort et je persévère ». C'est une image de « je monte mon fion pour vendre des images ». Mais c'est quand même bien, c'est pas… En quoi c'est bien? Mais c'est bien parce que, écoute, elle est connue, Deuxièmement, ouais, va faire vendre le Sport Illustrated. OK. Puis, mais pourquoi le pape ne montre pas son pénis? Non, mais c'est parce qu'avant, il y avait Cindy Crawford. Il y avait tout le temps des beaux... des mannequins qui posaient dans des magazines comme ça. Et ça faisait vendre le magazine. Ça allait être, mettons, Kim Labrosse. Je ne sais pas, je dis un nom de même. Là, je ne connais pas. Kim Labrosse ou Natacha, je ne sais pas, là, Thério. Qui pose là-dedans, même si elle est plus belle, ben, elle ne pognera pas. On dit, c'est qui ça? C'est quoi ça? Ouais, mais il est là le problème. Pourquoi? Parce qu'elle est belle, parce que c'est une femme belle, puis ils vont donner beaucoup, beaucoup, beaucoup de sous. Ils vont être dans le Sport Illustrated. Ouais. Fait que donc, ça aide un petit peu, hein? Je veux dire, la belle était tôt. Sûrement. Non, mais écoute, là, c'est une question de l'argent, ça pogne. Nous autres, on est des puristes, on regarde ça de façon très. On fait un signe de croix, mais qu'est-ce que tu veux? C'est l'argent qui pogne, tabarouette. Le problème, c'est que ça amène quand même des jeunes filles à être complexées. Ça amène quand même des jeunes hommes à voir la femme comme un objet. Mais non, mais regarde, Eugénie Bouchard n'a pas de seins. Elle a des belles fesses, mais pas des seins nécessairement. Non, elle ne répond pas à des stéréotypes. Oui, effectivement, elle ne répond pas à des stéréotypes. Je vais aller voir la photo. Pierre, ça ne répondait pas à des stéréotypes. Elle ne serait pas dans ce magazine-là. Fait clairement qu'elle est mince, musclée, blonde, yeux bleus, des beaux seins, belles fesses. Là. Oui, et ça... Elle répond à certains stéréotypes. Là, tu dis qu'elle n'a pas de seins. Elle a des seins. Non, c'est pas du triple D. Non, elle a des seins, là, Eugénie. Oui, absolument. OK, je me tais. En tout cas, elle en a plus que moi. J'espère qu'elle a des seins. Non, je me tais. Tu sais, Eugénie Bouchard, attends un peu. C'est correct. Ben oui, elle a des seins. Ouais, elle est magnifique. Je ne dis absolument rien sur le fait qu'elle n'est pas magnifique ou qu'elle n'a pas le droit de le faire. C'est pas ça que je dis. C'est qu'elle est un modèle. Elle est un modèle et ça transpose... Excuse-moi. Oui. Et ça transpose le modèle... D'un point de vue où on prend pour réussir dans ce domaine-là, tu dois être ça. Mm. Si tu es un peu toutoune puis que tu as le nez croche, tu ne seras pas capable d'arriver là. Tu n'auras pas le succès. Mais c'est là, c'est le message qui est envoyé. Faut que tu aies cette allure-là pour pouvoir poser dans. Le lien se fait, il est inconscient, le lien. Et il est ancré chez la jeune femme. Il était ancré chez la jeune athlète qui va adopter. Mais là, il y a différents qui va adopter. En fait, qui va subir aussi, des fois, entre autres, les affres des TCA, les troubles de comportement alimentaire. Mais Anthony, il y a différents types de succès. Tu peux en avoir dans différentes sphères de ta vie. Effectivement. Puis, c'est un peu ça l'importance pour les parents, entre autres, à l'école, de proposer différents types de modèles aussi. Bon, Eugénie, on peut dire qu'elle a quand même elle a du succès professionnel. Là, je veux dire, il y a très peu de personnes qui se rendent où est-ce qu'elle est malgré toutes ses défaites l'une après l'autre. Mais, c'est intéressant. Donc, ça, elle est un modèle de succès dans son sport. Mais c'est sûr que par rapport à l'utilisation de son image, là, on est en débat. T'sais, on est un petit peu dans l'air où est-ce qu'on est, pourquoi pas, pourquoi qu'elle pourrait pas justement poser de cette façon-là, ça rapporte de l'argent, elle a le corps pour, on lui, tu sais, ça... De mon point de vue... Puis d'un autre côté, ben c'est ça, elle est connue aussi des jeunes du Québec parce qu'elle est un modèle sportif, puis c'est comme, c'est quoi le message qui est envoyé en faisant ce type de photo-là aux jeunes qui la suivent. Mais t'sais. On fait un état de terrible, exemple Michael Phelps, qui avait fumé un joint ou je sais pas quoi, on voulait lui retirer ses médailles. Mais justement, quelqu'un qui pose de façon très, très subjective ou très, très peu habillé, on n'en fait pas état. C'est soit un, c'est soit l'autre. Là. Quelque part, c'est soit qu'on est libertin, soit qu'on accepte les choses. Si on prend, je sais pas, moi, Jean Charest, puis qui fait un calendrier de pompiers. Non, mais là, c'est la porno, là. On tombe dans la porno avec non. ça. Non! oui, ben là, écoute, je savais pas que ça t'émoustillait à ce point-là, Jean Charest, Pierre. Non, mais tu sais, il y a comme plein de façons de le critiquer, de l'amener, comme tu dis. Puis effectivement, tu sais, ça... Ce que Eugénie, l'édition qu'elle prend en ce moment, on peut dire, ben là, ça parle-tu d'une génération, entre autres? Tu sais, on est beaucoup dans... On expose notre corps, on est dans la société de consommation, on est un peu dans l'hypersexualisation, c'est sûr. Tu sais, c'est quoi qu'elle est en train de prouver ou c'est quoi le message qu'elle veut faire? Tu sais, il y a beaucoup de choses qu'on peut se demander. Parce que, ultimement, c'est ni bien ni mal. Là. Non, non, mais... Ben, on peut se positionner, oui, si on trouve ça bien ou mal, mais tu sais, c'est ça, on est en confrontation d'idées, puis on n'est pas obligé d'être tous d'accord. C'est ça. Ben là, on est très idéologue en latin. Elle se pose même pas ces questions-là, l'important. Non. Il y a eu ça, tu connais, ça donne de l'argent, OK, je vais le faire. Pouf! Je suis sûr qu'elle n'est pas allée dans les détails idéologiques comme on le fait, là. Non, c'est sûr, mais on peut se les poser, nous, les questions. Oui, mais on doit se les poser et on doit faire réfléchir la population par rapport à ça. C'est, en fait, le devoir de l'éducation à la sexualité. Ça empêche, oui, mais ça empêche rien qu'on va le faire peut-être un autre Pierre fois. Pierre se demande si en se posant ces questions-là, on n'est pas un petit peu dans un mode moraliste. T'sais, on est en train de dire que ce qu'elle fait, c'est mal, alors que, justement, on peut tomber dans les discours de liberté d'expression, etc., puis qu'elle peut bien faire ce qu'elle veut de son corps en 2018, puis c'est un peu à ça qu'a participé le féministe, d'être libre de se montrer, tout ça, mais en même temps, les féministes vont dire, ouais, mais attends un petit peu, là, le girl power, où est-ce qu'on utilise l'image, puis on objectifie notre corps, puis qu'on est dans la sexualisation, etc., etc., puis on est juste dans un rapport de séduction, c'est pas ça le féministe, obtenir du pouvoir par le biais de la séduction, puis en se montrant beau, séduisant, ce n'est pas ça, le féminisme. C'est pas par ce chemin-là qu'on veut atteindre des rapports égalitaires. Mm-hmm. Tu sais, nous, on veut atteindre des rapports égalitaires par, je sais pas, par des décisions au gouvernement, par une parité entre les hommes et les femmes, en misant sur le fait qu'on a des forces intellectuelles, organisationnelles, peu importe, tu sais, qu'on se complète dans nos différences, les hommes et les femmes, mais tu sais, pas dans un rapport de séduction où que, ah, ben là, je peux accéder à du succès par le biais de mon image. Ça, c'est plus le girl power. Puis c'est encore là, on va faire une différence. Girl power, féministe, c'est pas pareil. Mm-hmm. C'est deux choses. Deux choses complètement différentes. On a affaire aussi à une nouvelle génération. Ouais. La génération XY, où ce qu'à un moment donné, ces filles-là vont décider, malgré des discours idéologiques, qu'est-ce qu'elles veulent faire. Et on est dans un rapport de force où la sexualité parle beaucoup. Les sextos, les téléphones intelligents, tout ce qui se passe, des selfies, tabarouette. Je regarde ça de façon défilée, je me dis, Carlis, quel genre de message ces filles-là? Puis je ne veux pas te parler des attentes, mais je me dis, on n'a plus de pouvoir là-dessus. On a perdu le contrôle. Et c'est là qu'on commence à être moralisateurs. C'est sûr, les féministes peuvent dire qu'est-ce qu'ils veulent, mais ce n'est pas eux autres qui vont poser. C'est d'autres types de filles qui vont poser, qui vont quand même récolter l'argent. Mais c'est comme ça maintenant. C'est sûr. Il faut que tu sois belle, performante. Faut que oui, mais c'est dangereux d'obtenir... Ben, dangereux au sens où on établit une norme qui est quand même est très, très, très élevée et qui peut amener de la réelle souffrance. Mm-hmm. Ben, en tout cas, il y a des filles qui en profitent parce que tout est accessible pour ces filles-là. La chirurgie esthétique, par exemple. Hein? Aujourd'hui, tu sais, il y a 30 ans, 40 ans, il y avait seulement une fille ou deux filles qui étaient belles dans une classe, là. Mais encore, là, aujourd'hui, toutes les filles sont belles parce que la chirurgie esthétique est là. Okay, il n'y a plus de problème. Tu n'es pas en train de nous dire que ça prend de la chirurgie esthétique non. pour devenir belle, là? Non, mais il y a plein de moyens que les filles vont aller trouver pour être capables de se conformer. Et c'est ça l'affaire. C'est qu'on a perdu le pouvoir par rapport à ça, malgré le fait qu'on peut dire... Et je suis d'accord avec toi, Pascal, avec toi, Tony aussi, je suis complètement d'accord avec vous autres, mais en même temps, je me dis, Christy, quoi qu'entendre, on peut bien parler de ça, mais les filles, c'est... Pierre, le pouvoir est comme à l'intérieur de nous. C'est là qu'il faut aller le chercher. Tu sais, si on a l'impression que le pouvoir est à l'extérieur de nous, c'est-à-dire, bon, ben moi, si je reçois 200 likes sur ma photo, c'est comme ça que moi, je sens que j'ai du pouvoir. Le pouvoir, on est en train de donner à l'autre. Dans le sens que c'est la quantité de gens qui vont dire si je suis intéressante ou pas. Tu sais, c'est ces likes-là qui vont dire est-ce que je suis belle ou je suis pas belle. On donne le pouvoir à l'autre à ce moment-là. Mais le pouvoir, il faut vraiment aller le chercher à l'intérieur de nous. Puis c'est difficile dans un contexte où on est dans une société, justement, où on s'expose beaucoup, où, justement, on est en train de donner le pouvoir. Je me répète, non, c'est vrai que ce que tu dis, mais je suis pas l'avocat du diable. Vas-y. Ils s'en calissent. Qui ça? Les filles. Yeah. De quoi? D'avoir du pouvoir sur elles-mêmes? C'est qu'ils vont faire ça à leur tête. Qu'est-ce que tu dis, c'est vrai. Je suis d'accord 100%. Mais de l'autre part, les filles vont dire, mais moi, je peux faire ce que je veux avec mon corps. Mais oui, c'est correct. Mais wow, tant que tu sens que ça vient de toi, pas que c'est pour plaire aux autres. T'sais, si, pour reprendre encore l'exemple d'Eugénie Bouchard, si pour elle, c'est son rêve de poser dans Sport Illustrated et d'être reconnue et d'être adulée, ben encore c'est là, on... comme... Ouais. Encore là, on pourrait faire du chemin avec ça. On pourrait se demander pourquoi. Exactement. C'est un drôle de rêve. Ce plan personnel, qu'est-ce que ça mm-hmm. peut dire? Mais oui, c'est correct à ce moment-là. Ouais. En fait, il n'y a pas une ligne tracée à c'est mm-hmm. blanc, c'est noir, c'est correct, c'est pas correct, c'est bien, c'est mal. Ça, on est ailleurs, j'espère, en 2018. Par contre, il faut savoir que tout derrière, toute action, qu'elle soit bien, qu'on la considère bien ou mal, ou simplement que c'est une action, il y a son versant, il y a sa conséquence. Oui, oui, elle fait de l'argent. Ouais, on est très narcissique aussi. Hein? Oui, mais suis mon raisonnement. Tu sais, la génération, Justin Bieber, là, tabarnak. Puis Miley Cyrus, là. Non, je comprends, Tony, je suis d'accord avec ça. Là. Puis tu nous amènes ailleurs, là. Non, mais je me dis, je fais l'avocat du diable. Justin Bieber, Miley Cyrus, là, moi, je suis complètement disjoncté, cette fille-là, t'as que là-dessus. C'est une autre affaire. Mais elle a changé, en fait. Oui, ça, assez... Dernièrement, elle s'est comme assagie, là, si je peux dire. Il y a eu un retour de balancier, disons, plus traditionnel, pas traditionnel, mais plus... L'expérience de son père. Libérée, mais sans être à l'extrême. On dirait qu'elle était tellement contenue. Moins sexualisée, sexualisée. Simplement. Elle joue moins cette carte-là. Et c'est là où je parle de l'hypersexualisation puis de l'effet pervers. Mm-hmm. C'est qu'on peut avoir des femmes qui sont très belles et bien photographiées et libérées sans... tomber dans la sexualisation puis dans l'objectivation du corps de la femme. On s'entend qu'une photo qui met très, très en valeur et presque nue, en quoi ça sert son sport? En quoi ça la sert, elle, outre l'argent? Mm-hmm. En quoi c'est pas uniquement pour faire vendre une revue puis pour faire plaisir à une poignée, une grosse poignée d'hommes qui, je vais le dire platement, mais qu'ils ont peut-être pas ce qu'ils désirent sur le plan du corps à la maison, leur partenaire. On vend du rêve. Oui. Les revues, puis Photoshop est là aussi. Il faut oublier ça. Là. Et Photoshop est là. C'est sûr qu'il y a Photoshopé. Pensez pas que c'est son vrai corps. C'est sûr qu'elle est Photoshopée. Mais c'est sûr qu'il y a des retouches. S'il y a un petit peu de cellulite sur le bord de sa cuisse, ils vont l'avoir retouchée. Si le ventre est un peu trop arrondi, ils vont le retoucher. Si elle est belle et si on veut la glorifier, arrêtons de créer de faux standards. Mais non, présentons la vraie Eugénie Bouchard, présentons-la dans son ticket sexy au pays qu'elle fasse du tennis, bâtard. Mais quand on va la regarder faire du tennis, les gens vont dire, c'est quoi? Là, je parle cru, là. Je suis tout le temps l'avocat du diable. Vas-tu montré son cul? Vas-tu montré ses seins? Y a-tu un sein qui va débarquer de son chandail? C'est ça que des gens vont regarder. Regardait le tennis pour savoir c'est qui va marquer le point. Mais dommage pour la professionnelle qu'elle est, parce que c'est un peu ça la critique, c'est ça. À une être sexuée, that's it. C'est comme ses performances venant en deuxième plan par rapport à son apparence physique puis à l'image qu'elle a. Roger Federer, est-ce qu'on se posait la question, est-ce que le Zwiz va y sortir? C'est pas vrai. Peut-être des femmes, C'est ça, je regarde toute la game. Je regarde le mouton qui se promène dans ses pantalons. On n'est plus dans l'égalité des sexes, là. Non, mais le volleyball de plage féminin aux Olympiques, qu'est-ce que tu regardes? Mais je ne regarde pas le volleyball de chat. Mais si je le regardais. Oui, c'est ça. Mais le ballon, le jeu, bâtard, c'est ça le but des Olympiques. Mais est-ce que tu soulevais, Anthony? Sinon, on va aller aux danseuses. Ce que tu soulèves, Anthony, c'est la responsabilité des médias, entre autres. Totalement. Puis que les médias jouent un rôle vraiment important dans la sexualisation de l'espace public. Par exemple, Eugénie. Tu sais, Eugénie, entre guillemets, on pointe comme si c'était un problème. On le critique parce que ça fait partie d'un tout, puis on a l'impression que le tout qui nous est présenté, c'est toujours le même, il n'y a pas assez de diversité. Donc, si les médias avaient à cœur justement cette diversité-là des corps, cette diversité-là des modèles, donc pas juste un modèle axé sur l'image, mais d'autres types de succès, comme tu disais. Déjà, là, on serait probablement en train de... on va moins sourciller à avoir cette Eugénie-là en petit costume de bain parce qu'on a aussi d'autres modèles à présenter à nos jeunes. Voilà. Si on montre, un homme Un homme en beau maillot de bain, la même affaire. Un transgenre, une transgenre, peu importe. Mais je veux dire, d'autres modèles qui ne sont pas axés sur le corps. Oui, non, c'est ça. Ça va devenir plus naturel et on va pouvoir adhérer à la norme qu'on veut. Ben oui. Tandis que là, on nous impose une norme. Il y a des transgenres. Et on le Photoshop, la norme, pour être sûr que ce soit celle-ci. Comme tu disais tantôt, ben même dans la pornographie. De leur responsabilité, ouais, de transformer la réalité, ce qui fait que nous, ça, au niveau du cerveau, quand on est toujours exposé aux mêmes images photoshopées, il y a quelque chose où ça devient comme une norme pour nous, alors que ça ne l'est pas du tout quand on voit les photos réelles, là, celles qui ont été prises exactement. Au départ. Ou notre propre, nous, ou les gens qui nous entourent. Mm-hmm. Et tout soudainement, tout devient plus comparé à la norme. Plus fade. Mais il y a des commanditaires aussi qui vont se mêler de ça. Imagine, toi, en commanditaire, comment qu'un professionnel peut gagner des sous avec ça. Mm-hmm. Tu sais? Ça aussi, il y a l'aspect lucratif. Pas seulement. Jeunet Bouchard, je suis sûr qu'il y a des commanditaires pour la financer, cette fille-là. Moi, je prends la peine pour elle. Mais, un exemple. Comment il s'appelait, donc, le joueur, le golf, là? Tiger Woods. J'ai perdu beaucoup de commanditaires suite à ses frasques avec ses maîtresses, tout ça. Mm-hmm. Et ça lui a fait le mal, mais en fin de compte, c'était plus que Tiger Woods. C'était les commanditaires qui faisaient vendre l'image. Puis c'est comme ça maintenant, tu sais. Mais si on choisit d'adhérer à ça. Ben comme oui. Consommateur, on choisit. Quand on achète le Sport Illustrated ou qu'on je sais pas, qu'on achète une paire de Nike dans le code, on cautionne ça. Under Armour. Et c'est notre responsabilité en tant que diffuseur dans le cas ici, ou même comme citoyen d'adhérer ou pas. Mm-hmm. Et c'est sûr que si on n'en parle jamais et si on ne dénonce pas, du moins une certaine objectivation. Oui, je comprends. Je m'en vais là-dedans. Ben oui, je te comprends. Je suis loin d'être le curé moraliste. Mais tu sais, j'ai envie de dire, on peut être curieux de ça, puis on peut en consommer des choses plus futiles, puis bon, là, hyper sexualisé ou peu importe. Mais oui, absolument. L'idée, c'est que si on est juste là-dedans, puis justement, si on tombe dans la comparaison par rapport à des standards qui sont pas réalistes, c'est là où que nous, on se fait violence. C'est là où que ça devient souffrant, puis qu'on se perd, parce qu'on va essayer d'adhérer à quelque chose qui est inexistant, puis qu'en plus, c'est superficiel. Donc, ultimement, c'est pas nourrissant sur le plan personnel. Donc, fait que ces revues-là, est-ce que je peux me nourrir aussi de romans? Est-ce que je peux me nourrir de revues scientifiques? Est-ce que je peux me nourrir de BD? Est-ce que je peux me nourrir de je sais pas quoi d'autre? Tu sais, ça peut être d'autres types d'art aussi, ou de moi, qu'est-ce qui me fait triper? La nature, les sports... Fait que, tu sais, c'est important d'avoir une diversité, puis tu sais, qu'ultimement, de reconnaître que ce qui est futile devient un peu comme du glaçage sur le gâteau. Mm-hmm. Parce que si c'est ça notre gâteau, c'est là où on sent que c'est vide, tu sais, au niveau des calories, puis qu'on tombe dans une espèce de circuit de la comparaison, puis qu'on n'est pas bien dans notre peau. Mm-hmm. Donc ça, on est à faire notre recette de gâteau, parce que j'ai les gâteaux. si on arrive à trouver... Faim, Pascal? Si on trouve les ingrédients qui nous nourrissent vraiment, bon, un petit peu de sel, un petit peu de lait, les œufs, la farine, puis qu'on fait notre beau gâteau, puis qu'on le monte, puis là, on est nourri, puis ça nous fait du bien, puis on est prêt de ce qu'on est, puis de ce qu'on veut être, puis de ce qu'on a envie de dégager aux autres, fait qu'on est beaucoup dans ce qui est plus intérieur qu'extérieur à ce moment-là. Ça va être nourrissant. Puis après ça, ben OK, tu sais, la petite revue-ci, voir Eugénie dans son catalogue. Exactement. Ça attire notre curiosité. Et j'ai vu regarder sa photo moitié, là, puis ils sont magnifiques. Ben c'est ça, mais tu sais, ça devient pas comme le centre, pas de, j'ai pas envie de dire que ça devient le centre de notre univers, mais tu sais, ça reste futile aussi encore à nos yeux, puis ça nous aide à faire la part des choses. Mm-hmm. Exactement. Ouais. Ben, sur ça, on va prendre une petite pause et on vous revient tout de suite après. Ben non, c'est pas un orgasme auditif, c'est seulement C'est fou le sexe sur les ondes de C'est fou 89.1. De retour à C'est fou le sexe sur les ondes de C'est fou 89.1. Un débat animé ce matin. Un débat, on en parlait à la pause, comme quoi c'était intéressant. En tout cas, les trois, tu sais, parler. Bien, les autres aussi, quand ils sont là, il n'y a pas de problème, mais Pascal, toi, Anthony, moi, je mets mon grain de sel, mais c'est ça un débat, c'est arriver avec la contradiction, puis Pascal a toujours le mot pour au-dessus, tu sais, Pascal est au-dessus, la tête, j'élève le discours. La tête est ben au-dessus de l'eau, ben au-dessus de la plaine. Puis on se cale, nous autres, on se cale, parce que Pascal a parlé, qu'il dit, c'est vrai. Bon. Je pourrais pas dire ce que je dis si vous ne pensiez pas votre grain de sel. Là. Bon, c'est une discussion de groupe. Mais en fait, je pense que non. Mais sincèrement, nos auditeurs apprécient les débats et la nature de tout ce qu'on peut amener. Des fois, on est plus pertinent, des fois, on l'est moins. Bon, aujourd'hui, ça donne qu'on est pertinent. Ouais, ils mettaient ça sur le calendrier de tout le monde. Pascal, on parlait tantôt d'un groupe... ou d'un site internet à caractère pédophile, j'aimerais qu'on en parle de ça. Ah oui, oui. Oh my God. Ça a passé sur les réseaux sociaux, ça. Mm-hmm. Ben, en fait, comme je l'expliquais, là, il y a eu des arrestations relativement à un site web où qu'on avait des membres de ce site web-là qui se partageaient du matériel pornographique, mais infantile. Mm-hmm. Donc, avec des enfants. Puis, il y a des personnes qui ont... Il y a eu des arrestations suite à ça parce que la possession de matériel pornographique infantile, c'est criminel. Oui, absolument. Parce qu'on cautionne d'une certaine mesure... Ben, pas d'une certaine mesure. On cautionne littéralement des agressions à partir du moment où ça a été filmé. Il y a une victime à quelque part. Ça, c'est certain. Et donc, c'est ça. Si consommer consommer de la pornographie, c'est légal, mais quand c'est lié avec des enfants ou en tout cas des jeunes de moins de 18 ans, là, on tombe vraiment dans des activités criminelles, puis c'est illégal. Puis c'est ta responsabilité de dire « Ah, ben là, la fille avait l'air vieille dans la vidéo. Ouais, » Non, si elle a 16 ans, c'est bien malheureux, mais tu es en train de consommer du matériel pornographique infantile. Et je vais faire une petite parenthèse, mais... le simple fait, et là, ça peut être éducatif peut-être pour les gens à la maison, mais le simple fait, exemple, où la mademoiselle a 16 ans, prend un selfie d'elle, seins nus, peu importe, l'envoie à son partenaire, ben, elle pourrait, à la rigueur, être accusée de possession de pornographie infantile et de distribution. Et le partenaire, s'il partage la photo pour s'amuser, lui aussi, peut être accusé de possession, de distribution. On est devant des nouvelles réalités qu'on n'avait pas pensées. Hein? Je veux dire, les selfies. Il y avait une policière... Les fameuses dick pics aussi. Il y avait une policière qui demandait... Elle prenait des selfies d'elle, puis nue en plus. Puis elle s'était posée derrière. Elle a mis son... Évidemment, on sait comment ça. Elle s'est penchée. Elle s'est fait poser ses fesses, évidemment, dans une position très gynécologique. Alors, elle sort son chum. Et Chris, ça s'est rendu tout partout, mais elle a perdu sa job, c'est sûr, là. Mais, tu sais, on est rendu dans une réalité virtuelle qui fait qu'à un moment donné, il faut avoir vraiment des balises très fortes par rapport à... Oups, on met une normalité, puis on met une sanction sur des choses. Puis même, à un moment donné, pour faire suite à ce que tu disais, Anthony, puis Pascal aussi... Oui, puis ensuite, on va revenir. il y avait ces gens-là, même si j'ai pas le temps de passer ma chronique, c'est pas grave, mais il y avait des gens, ces gens-là, je me demande si c'était pas eux autres qui voulaient faire passer la pédophilie comme étant une nouvelle orientation sexuelle. Mm-hmm. Ils voulaient quand même la mettre en évidence. C'était épouvantable, tu sais. Mm-hmm. Mais en même temps, il y a un groupe de recherche en Allemagne, si je ne m'abuse, et à Toronto, qui travaille en lien avec ça. Je ne cautionne pas nécessairement quand ce qu'ils disent. C'est quoi, Anthony? C'est-à-dire qu'ils considèrent... Ils considèrent la pédophilie comme une orientation problématique, anormale, mais comme une orientation quand même, donc innée. Et à ce moment-là, favoriser peut-être le dépistage précoce de cette, entre guillemets, très très gros guillemets. Là. Vous ne me voyez pas, mais je fais des gros guillemets avec mes deux bras. À la limite, si je ne prends pas mes deux jambes, je ne suis pas assez souple. Mais orientation-là. Mais... C'est un courant de pensée. C'est des chercheurs qui sont à vérifier ces hypothèses-là. Qu'est-ce qui va en découler? On avait déjà mis sur la page Facebook de l'émission, j'avais mis les ressources pour les gens qui avaient des fantasmes ou des comportements à caractère sexuel déviant. Fait qu'on parle, entre autres, des agresseurs sexuels. Mais... Notamment, mais des gens aussi qui sont pas des agresseurs, dans le sens qu'ils n'ont pas passé à l'acte, mais tu sais, qui ont des fantasmes déviants et que ça crée une souffrance, qui se sentent pas bien là-dedans, qui se voient aller ou qui ont peur de passer à l'acte. Bref, il il existe des ressources pour eux. Entre autres, à Trois-Rivières, si je me trompe pas, sur la maison Radisson, il y a de la thérapie de groupe qui est offerte dans ce sens-là. Avec, je pense, dans le temps, c'est Rock Bouchard. Là, c'est une dame qui s'appelle Diane. Ah, elle est sexologue? Non, elle n'est pas sexologue. Elle est psycho-éducatrice. Tu es psycho-éducatrice? En tout cas, il me semble qu'elle est psycho-éducatrice avec le titre de psychothérapeute. Okay. Et effectivement, Rock Bouchard travaille aussi, mais à titre de sexologue au privé, là, par contre. Puis il se spécialise là, dans la question des agressions sexuelles. Il fait l'évaluation aussi par rapport à tout ce qui est agression sexuelle. Mais tout ça pour dire que c'est ça, on abîme les ressources pour les gens intéressés. Mais c'est vraiment, Tony, ce que tu as dit par rapport aux jeunes au niveau des sextos. En fait, ce qu'il dit, c'est qu'il y a une tolérance, mettons, entre deux adolescents, là, un petit couple, là, 16-17 ans. Là, on parle pas d'un jeune de 12 ans, puis l'autre, il a 19 ans, ou que l'écart d'âge est trop grand. Là, on parle, bon, un couple où qu'on est dans les normes au niveau du consentement, ou que c'est légal. Il y a une tolérance par rapport à ce qui est partagé entre eux. Fait, okay. Au niveau du consentement, le consentement est présent. Je te partage une photo de mes seins, ou on échange des sextos. Mm-hmm. Puis c'est dans le cadre d'une relation de confiance. Par la suite, si je donne l'exemple du jeune homme qui veut montrer la photo ou partager la photo des seins de cette fille-là, on fait juste montrer, là, j'ai mon téléphone, je montre la photo à mon ami. Là, à ce moment-là, la fille, elle n'a pas donné son consentement pour ça. Effectivement. Et ce jeune homme-là, juste en montrant la photo, même pas en la partageant, à ce moment-là, il peut avoir des accusations de possession de matériel pornographique juvénile et de divulgation et d'avoir transmis ce type de matériel-là. Fait qu'il peut avoir deux types d'accusations juste en montrant la photo. Fait que là, ça devient grave. Faut vraiment sensibiliser les jeunes par rapport à ça. Puis une fois que le petit garçon, il dit « Hey, moi, je m'expose à des accusations criminelles en montrant ces photos-là ou en les partageant, supprime-les. Puis tu sais, il y a quelque chose de l'ordre de... C'est ça, là, tu sais, de la confiance. Moi, je t'ai partagé... J'ai donné mon consentement pour que tu la vois dans le cadre de notre relation, mais après ça, quelque chose de privé. Puis minimalement... Puis l'autre chose, quand l'autre... Si ta copine vient te voir puis elle dit « J'aimerais ça que tu supprimes la vidéo ou la photo que je t'ai donnée », tu dois la supprimer. Oui, tu peux pas dire... « Ah non, tu me l'as donné, fait que je la garde puis je la mets dans mes trucs cachés. » Non. À ce moment-là, le consentement... Tu as le droit de retirer ton consentement à n'importe quel moment. Oui, effectivement. Donc, quand tu le retires, tu n'as pas le droit d'aller de la copier, cette photo-là, dans ton ordinateur pour la garder dans une autre source. Il faut vraiment la supprimer. Fait que, avis aux parents qui veulent faire l'éducation avec leur enfant, là, ça peut être un bon sujet important à amener à la maison, effectivement. Et c'est très, très... quelque chose qui se parle bien, je dirais. Qui est très, très actuel. J'allais dire, à la rapidité et la facilité des médias sociaux et du partage de l'information, ça devient justement assez... j'allais dire touché, c'est pas un mot français, mais difficile ou délicat, justement, de toute la gestion de tout ça. C'est clair. Qu'à la rigueur, si on s'en sent pas capable, on est peut-être mieux de s'abstenir. Ah, mais c'est dur. Les jeunes, là, ont des tablettes puis les téléphones de leurs parents pour se tenir occupés au restaurant, dans l'auto, n'importe quoi, là, depuis qu'ils sont bébés, là, je pense. Là, c'est fou, là. Fait que eux, c'est dans leur vie. Mm-hmm. Nous, c'est dans notre vie depuis quoi? 10 ans, 15 ans, tu sais. Bon, on connaît pas toutes les applications. En tout cas, les adultes, souvent, c'est pas eux les mieux informés par rapport aux enfants. Bon, on a peut-être comme moins d'intérêt à utiliser les plateformes de Snapchat puis je sais pas quoi, qu'on se partage des vidéos ou des photos. Là, je généralise, évidemment, il y a peut-être des gens de 30 ans qui trippent là-dessus. Mais bref, eux, ils baignent là-dedans. Fait que, tu sais, le rapport aux réseaux sociaux n'est pas le même que par rapport à nous. C'est comme une extension de leur vie. Tu sais, le téléphone, souvent, à la maison, il n'existe plus, là. Tu sais, c'est le cellulaire de papa ou maman où on chatte sur MSN via Facebook ou des choses comme ça. Tu sais, quand nous, on était jeunes, là, le cellulaire, nos parents, ils n'en avaient pas, à moins que tu sois agent, ton parent était agent d'immeuble, puis il y avait un cellulaire parce qu'il n'avait besoin dans sa job. Ouais. Tu sais, on avait le téléphone, puis on se criait par-dessus la tête, « Arrête d'utiliser le téléphone, j'en ai besoin, puis là, tu sais, il y en a un qui était tout le temps à sa ligne. » Fait que c'est ça, notre rapport aux communications est vraiment différent. Ça a changé. Puis c'est là aussi la difficulté, dans le sens que c'est là le défi des parents, de vraiment faire une éducation par rapport à ça, à poser leurs limites, à expliquer, à faire réfléchir les jeunes par rapport aux conséquences. Si tu donnes une photo, si tu donnes une vidéo, c'est quoi comment que ça peut rester longtemps dans le temps, tu sais, comment que tu peux avoir des conséquences par rapport à ça, justement. Tu sais, à un moment donné, tu te quittes. Ben lui, je sais pas, moi, s'il est jaloux, s'il est fâché, s'il peu importe, tu sais, qu'est-ce qu'il peut faire avec cette photo-là? Il peut faire n'importe quoi, mm-hmm. là. Même si c'est illégal, je veux dire, le mal, le fait qu'il l'ait transmis à d'autres gens, le mal est fait, d'autres gens l'ont vu alors que toi, tu voulais pas. Fait, comment c'est pas se mettre les pieds dans les plats? Puis là, on est encore là dans cette espèce de société-là, cette culture-là de l'image où on se met de l'avant, que les likes nous nourrissent. Écoute, on a une méchante job comme parents à ramener les jeunes à quelque chose de plus... je sais pas, j'allais dire plus simple. Plus sain et plus simple. Ouais. Puis encore là, c'est facile de faire la morale sur nos jeunes. Hey, on peut-tu regarder, du sort, comment on les utilise, les réseaux sociaux aussi, puis les sites de rencontres, puis la peur de la solitude. Est-ce qu'on a toutes nos bébites. Mais quand même, qu'on continue à en réfléchir sur la question... pour essayer d'éduquer nos jeunes. La question des tablettes, on n'est pas les seuls, parce que je s'agrippais avec une amie qui vit en France, puis son enfant de 8 ans. Oui. Elle met des heures pour qu'il puisse jouer avec la tablette, parce qu'il apprend ça à l'école. Oui. Imagine, si tu appelles à l'école déjà. Et donc, je me dis, waouh! Non, mais mon fils de 5 ans, faut que j'y mette une limite. Il y a un contrôle parental, il y a une limite de temps, parce que sinon, il serait là-dessus. 24h/24. Ah, puis peut-être même plus. Bon, on parle de dépendance aux écrans. Oui, absolument, totalement. Effectivement, aux jeux. Puis là, ça commence, les études scientifiques commencent à se faire par rapport à ça. Puis justement, c'est quoi les impacts au niveau du cerveau? Tu sais, la concentration, le fait d'être toujours stimulé par un écran. Bien là, quand tu es dans ta classe, puis tu as un prof qui parle devant, ça peut être difficile de garder la concentration. On n'est pas dans les mêmes zones là, qui sont activées au niveau du cerveau, premièrement. Puis, d'ailleurs, c'est très drôle, sur Facebook, j'ai vu une petite vidéo par rapport à ça. C'est comme un genre de publicité. C'était une... si je me trompe pas, je pense que c'était une compagnie, en tout cas, qui voulait sensibiliser là, à l'importance des repas dans la famille, puis ça. Puis c'est vraiment drôle. Fait qu'on voit des jeunes sur leur tablette puis leur téléphone, puis ils sont tellement dans... tu sais, sont tellement pris, là, sont tellement concentrés, là, dans leur écran, qu'autour d'eux... ils changent un peu la décoration, ils changent les tableaux, ils changent le mobilier... même ils vont jusqu'à changer la mère, les frères et sœurs, c'est-à-dire on met d'autres personnes. Fait qu'à côté du jeune qui est plugué sur sa tablette, ben c'est ça, au lieu que ça soit sa sœur, c'est comme un comédien, un autre petit jeune. Puis là, bang, tout à coup, il coupe Internet. Là, lui, il se réveille. Hey, qu'est-ce qu'il parle? Il n'a plus Internet. Puis il regarde autour de lui, puis il se rend compte que tout a changé. Hey, là, excuse-moi l'expression, mais il bat trip. Mais tu sais, c'est pour vous donner... c'est tellement frappant, là, tu vois ça en vidéo, le jeune méga concentré, puis là, on coupe l'Internet, puis là, il prend contact avec la réalité. Ouais. Il fait le saut en tabarnouche. Tu sais, à quel point qu'on peut être dépendant aux écrans, finalement, puis qu'on est investi dans cet écran-là, là, c'est vraiment... c'est surprenant. Et quand ça vient toucher, en plus, la sexualité... Oui, quand ça rentre au plus profond de notre intimité. Effectivement. Puis dans notre façon d'être en relation avec les gens. Oui, ben c'est ça, quand on lâche Pornhub ou peu importe le site, puis qu'on se rend compte, ah ben finalement, oh, ma partenaire a l'air de ça, elle a une vulve qui est somme toute normale et qui n'a pas l'air de ça. Ouais. Le temps passe vite, on perd la notion du temps quand on est devant un écran. Aussi. Ouais. Ça, c'est... Je suis complètement ailleurs de ce que je l'aime, mais c'est pas grave. Ouais. Donc, tu te rends compte... Je parlais de la vulve là, de ta partenaire, c'est ça? Ben, pas la sienne. Non, pas vraiment de la sienne. Excuse-moi, je suis dans... Il est dans sa bulle, Pierre. Ouais. Il est dans sa bulle, dans sa bulle. Non, c'est... de quoi tu parlais? Excuse-moi, Anthony, là, je t'ai coupé. Tu dis, tu ne savais pas comment qu'était la bulle de ta partenaire? Mais ben pas point-là. Du tout, bâton. Ben, de quoi tu parlais? Ben oui, ben c'est pour ça qu'il faut... Reprends le fil, là, vas-y. Dans le fond, ce que je disais, c'est que quand on est à ce point-là, absorbé par les écrans, par la pornographie, et qu'on tombe dans la réalité... Et c'est là où le clash peut se faire, où soudainement, ben ma partenaire a... Oui, elle a... Pas ma partenaire, Pierre. Wow. Une partenaire. Ah, excuse-moi, Colin. Ou un partenaire. J'étais vraiment... OK, je me tais. Donc, il y a le clash avec la réalité et il y a une désillusion aussi par rapport à aux normes qu'on parlait tantôt. Et c'est là où... on voit apparaître des pertes de désir, des pertes érectiles chez l'homme et chez la femme aussi. Quand on... Bon, ben le six-pack si je prends juste mon exemple, le six-pack, à part de l'avoir dans les mains, c'est pas sur mon estomac qu'on le retrouve. Non, c'est sûr. Puis même là, dans mes mains, on n'en retrouve pas non plus. Oui, mais les femmes ont des six-packs aussi. Mais tu sais, c'est quand même difficile mais de se défaire-là, j'ai quasiment envie de dire, de cette dépendance-là. Puis tu sais, moi, j'ai un petit garçon. Fait que tu sais, c'est des questions qui se posent. Bon, ben tu sais, l'utilisation de nos téléphones, parce que là, on est habitué, là, tu sais, j'ai envie de dire, on s'en fout, là. C'est des fois, quand on est juste moi, puis mettons, mon chum ou souper, on peut regarder nos cossins. Mais là, t'as un enfant, tu sais, c'est quoi le modèle que tu veux donner? Puis surtout, on est quand même sensibilisé à ça, là. On en parle beaucoup, il y a des choses qui se disent... Fait que, tu sais, nous, on se positionne comment comme adultes à un peu lâcher les téléphones? Puis même, savez-vous que les enfants ont plus de plus de troubles de langage ou apprennent plus tard à parler parce qu'on est moins en interaction avec nos enfants parce qu'on est souvent sur notre téléphone. Fait qu'exemple, notre petit bébé, il joue à côté de nous, il est en train de ramper à terre, il joue avec des jeux, on est en train de l'habiller, on est en train de déjeuner, on est là, on est sur notre téléphone. Fait qu'on n'est pas en train de lui parler, on n'est pas en train d'interagir avec nos enfants. Ah, ben, tu sais, mange ci, mange ça, ou jouer avec. Ce qui fait que ça peut retarder l'apprentissage du langage. Oui, tu sais, imagines-tu jusqu'où ça peut aller? C'est fou. Puis il y avait un article dans un journal écrit par un cégepien que j'ai lu cette semaine, qui disait justement, hey, moi, ça fait comme 5-6 ans, je suis au cégep, je suis en train d'étirer ça, je suis premier d'année. Il dit, je vois vraiment la différence. Il dit, au début, il y a 5 ans, il dit, durant nos pauses, les gens se parlaient. Ouais. Tu sais, puis il y avait une espèce de petite communauté, il y a des liens qui se créaient. Il dit, maintenant, aujourd'hui, 5 ans plus tard, à nos pauses, tout le monde sort son téléphone. Il n'y a plus personne qui se parle. Fait que lui, la réflexion qu'il se disait, il dit, imagine les nouveaux arrivants, les immigrants ou les gens qui ont moins d'amis. Comment que c'est dur de créer des liens puis se faire des amis, tu sais, même à l'école où c'est là que ça devrait se faire ou au travail. On est là aux pauses, on sort nos téléphones. Tu sais, les gens sont dans leur bulle, donc les relations interpersonnelles, tu sais, mettons, dans un contexte de réalité, sont comme un petit peu en train de s'effriter. Oui, c'est, littéralement. Ouais, c'est ça. Fait que c'est triste. Ben ça, c'était ce que je trouvais ça... C'était, oui, ça l'est. C'est vrai que c'est triste. Et quand on... Tantôt, tu parlais des enfants. Bon, ça a l'air que j'ai un peu d'expérience là-dedans. Mm-hmm. Mais je vais prendre mon exemple personnellement. Il y a des zones ou des moments qui sont aucun objet électronique. On met ça de côté. L'ensemble des repas, c'est interdit. Là. C'est autant papa-maman que tout le monde. Bon, des fois, il y a le plus vieux qui est un peu dissident. Là. Mais... somme toute. Mais tu sais, c'est plate que lui, il a le goût de tester les limites par rapport à ça. Oui, c'est sûr que c'est plate, mais en même temps, c'est normal à 19 ans ou bon. Mais on lui rappelle gentiment que c'est... Tu sais, il y a un truc, il y a des gens qui font, c'est... quand tu sais, des fois, on dépose nos clés là, sur le bord de la porte. Bon, mais des fois, c'est d'avoir un panier ou quelque chose, une boîte. Ouais. Puis en rentrant dans la maison, tout le monde dépose le téléphone. Ouais, ah, c'est bon ça. Fait que ça fait en sorte que quand on est dans la maison, on n'est pas toujours en train de 200 fois, comme 300 dans les fois, classes, je sais pas combien de fois au cours de la journée qu'on regarde notre fil Facebook, on a reçu un email. Tu sais, je veux dire, si le téléphone sonne, ben il va sonner ou on a une boîte vocale. Donc c'est ça. Ça peut être un truc, entre autres. Mais c'est ça. On fait la morale aux jeunes, mais Colin, que nous, les adultes, il faut se regarder le nombril aussi dans nos comportements. Puis. Fait que si on a certaines valeurs par rapport à les communications et les réseaux sociaux, ben c'est de se questionner, bon, ben moi, si j'ai ces valeurs-là, exemple de justement pas d'être tout le temps sur mon téléphone puis d'être capable de parler aux gens directement, est-ce que je suis en train de les appliquer? Tu sais, comment je les applique dans ma propre vie? Puis c'est quoi qu'est-ce qui m'empêche de le faire correctement aussi? Puis qu'est-ce que je peux faire de plus pour être réellement un modèle à par rapport à mes enfants, mes neveux, mes nièces, mes élèves, les gens qui m'entourent à mon travail, tu sais. Fait que finalement, moi, ce que je demande aux autres, comment que je peux l'appliquer aussi. Ouais. C'est d'être conséquent, finalement, d'être intègre avec nos propres valeurs. Puis c'est dur. On dirait qu'on nage à contre-courant. Parce que tout le monde le fait. T'as le goût de le sortir aussi ton téléphone. Tout le monde le fait, fais-le donc. Surtout quand on est moindrement occupé, je dirais que c'est très, très difficile de ne serait-ce de s'asseoir avec une amie ou une collègue ou peu importe, puis d'avoir une conversation sans regarder le téléphone. Souvent, le téléphone va être sur la table entre les deux, puis on va regarder l'heure, mais on va regarder aussi, oh, j'ai eu un message. Comme là, on vous parle ici, ben j'ai mon écran, Pascal a son ordinateur devant elle, elle a son cellulaire, j'ai mon cellulaire, ben, y a Pierre qui a ses feuilles, vous l'entendez fréquemment. Oui, mais je mets des notes. Oh, ouais, mais tu fais des beaux petits dessins aussi. Tu t'évades dans ta bulle, toi aussi, Pierre, ouais. Mais d'une façon différente. Oui. Et c'est là, mais le besoin d'instantanéité vient aussi ponctuer nos relations interpersonnelles, viennent des fois même les différer. « Ah, oh, attends un petit peu, j'ai un message. Attends un petit peu, j'ai... » Fait que t'es comme toujours en semi-relation. Encore là, on va parler de la solitude qu'on vit dans notre société individualiste. C'est comme si, d'une façon illusoire, on s'entend en relation avec les autres, puis ça comble un certain vide. Exactement. Mais ce vide-là, en tout cas, si on creuse, la meilleure façon de prendre un espèce de recul par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à comment on investit du temps là-dedans, notre difficulté à être en lien avec les autres parfois, encore là, c'est de faire notre gâteau nous-mêmes, comme je l'ai expliqué tantôt, de se connecter avec des choses qui nous passionnent, qui nous rejoignent, qui nous font vibrer, que ça peut être par le sport, par la nature, par n'importe quoi. Puis une fois que ce gâteau-là est bien bâti, ben le reste, ça devient du crémage. Fait que si on me retire mon téléphone pendant une semaine, je veux pas être en train de me désorganiser puis de faire une crise de solitude. Là, je vais être bien. Parce que me retrouver avec moi-même, ça va être correct. Parce que mon gâteau, il est fait. Je manquerai pas de nourriture. Mon garde-manger, il est plein. Mon téléphone, c'est juste un petit dessert, tu sais. Un petit dessert, la cerise sur le sundae. Exact. Pierre, en terminant... Je la regarde, elle me fascine, hein, parce que... Pierre, vraiment, là, vraiment solide, hein. Bon, OK. Oui, bien, j'ai pas le temps de parler de faire le Kinsey, j'en avais pas non, page. Tu vas nous ramener ça la semaine prochaine? Oui, puis parce que la suite après, quand j'aurai fini ça la semaine prochaine, j'aimerais ça commencer en premier. J'ai un autre trip, chronique de faire le Kinsey. Oui. Le film qu'on a parlé de lui. Avec Liam Neeson, fait que j'aimerais ça en parler. Parce que c'est tellement rare qu'on a Pascal toute oui, émission. Oui, ça me dérange pas, je suis tellement plein de. Oui. C'est tellement le fun qu'elle soit là. Absolument, ma présence, c'est de 11h à midi, puis là, je suis venu pour tout le temps de l'émission de 10 à midi. Donc, si vous avez apprécié Pascal, on peut me contacter aujourd'hui. Vous pouvez écouter effectivement notre émission toutes les semaines. Elle revient généralement de 11h à midi. Mm-hmm. Ou bien sûr, vous pouvez la consulter. Si tu peux nous rappeler. Oui, mon site web, c'est www.servicesexologie.com. Donc voilà, Pascal Alberne Lahaye ou Pascal Lahaye sur Google, sexologue, psychothérapeute. Vous allez me trouver facilement. Vous allez trouver assez facilement. En effet. Et merci Anthony, merci Pierre. Ben, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Si vous, et je vous rappelle demain, ici à l'UQTR, c'est le spectacle. En fait, il y a le bal masqué où c'est une activité caritative. Ludique et caritative quand même. Où on va faire du speed dating notamment, mais il va y avoir aussi le concours de joke de papa, à savoir sexo. Donc, à ne pas manquer demain, oui, à partir des jokes de papa. Oui. Oh boy. Donc, à partir de 21h demain, 21h à 3h, et il va avoir moi qui chante pour votre douloureux plaisir. Donc, sur ce, au plaisir de vous voir, c'est au 10-12 demain. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Oui. Bye-bye. Bye-bye.